Bonjour, ici Alexis Cornelier. Vous écoutez le podcast Mac Québec, épisode 3 de la saison 2. C'est l'émission du 3 octobre 2012. Bonsoir et bienvenue à cette nouvel épisode du podcast Mac Québec, comme on l'a dit déjà deux fois depuis le début du show. Je commence honnêtement à être tanné de la pomme. Ça fait trois fins de semaine de suite que j'y vais. Là. Je suis dans le coin de la Rive-Nord, puis je t'ai écœuré, mes enfants en mangent tout le temps. On a fait un paquet de podcasts. Mais on parle de Apple aujourd'hui et ça va me faire du bien, voilà. Donc c'est chargé comme épisode, en plus. Oui, quand même, il y a eu un gros travail de recherche qui a été fait. On a un invité en plus, fait qu'on va embrayer rapidement. Avec moi aujourd'hui pour parler encore une fois de la pomme, Jean-François Roy. Bonjour Jean-François. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oui, excellent. J'ai passé une bonne semaine, une fin de semaine un petit peu ardue à cause du site web de Mac Québec. On y reviendra un peu plus tard. Oui. Mais ça a bien été. Vincent Miller, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, toi aussi, hein? Grosse fin de semaine? Grosse fin de semaine. comme je l'ai dit dans les amateurs de Mac Bonsoir, le site a planté à peu près trois fois. Puis c'est pas genre le serveur est overload, là, est trop en demande, puis ça plante. Là. Ça a été erreur de base de données, puis le tout. Mm-hmm. Mais on a réussi à réparer ça. Puis on est en train de travailler sur un Mac Québec clean pour améliorer un peu la sécurité puis être sûr que des choses comme ça ne se reproduisent plus. On a envoyé Mac Québec chez Betty Ford et puis il va prendre son engagement envers les AA et nous revenir complètement nettoyés. Est-ce qu'on voulait faire un petit retour? On est allé la semaine passée à un événement qui a été organisé par Benoît Mercier des Mystérieux Étonnants, pardon, un podcast que j'aime beaucoup. Et on a été invité là, en fait, lors de l'événement Podcast All-Star, en fait, avec 10 autres podcasts, mais on était une trentaine en tout. Notre vie était en danger. On était sur la terrasse de Ubisoft et à tout moment, on pouvait se faire balancer en bas par Benoît, Ben de Geek, en fait, de l'analyse des geeks. Mais on a quand même tous survécu et passé une excellente soirée. Je pense qu'on s'est bien amusé. Oui, c'était vraiment le fun. La bière coulait à flot et puis il y a eu des suites à ça. En fait, Benoît est allé en parler à Bande à part avec Laurent Lassalle et ça fait des petits. Je pense que c'est un événement qui va éventuellement revenir. Je ne sais pas sous quelle forme, mais ça risque de refaire quelque chose. Benoît, justement, parlait dans son dernier show où ça disait justement qu'il voudrait peut-être en faire une coupe par année ou quelque chose comme ça. Donc... Oui, puis évidemment, ceux qui... Tu sais, c'est pas parce que là, il y a eu 10 podcasts qui ont été là, 10 qui ont été invités, puis les 10 sont venus, mais c'est pas parce que vous avez pas été invités qu'on vous aime pas, là, c'est pas du tout ça. C'est que, justement, on était sur une terrasse, puis à 30, à parler dans un podcast, c'est assez compliqué. Mm-hmm. Il y avait des runs, puis il y avait plusieurs blocs de podcasts qui étaient... Donc, par exemple, Mac Québec avec Lenise Degui qui parlait, puis ensuite, il y avait un autre bloc avec d'autres podcasts. C'est de la job à faire. Là. Benoît a fait une très belle job, je dois le dire. Puis, donc espérons que ça va revenir. Là. C'est vraiment le fun. Là. Oui, c'était un excellent boulot de Benoît. Puis, il y a des gens qui ont écrit qui ne comprenaient pas trop pourquoi, qu'est-ce qu'on faisait, en fait, sur la terrasse de Ubisoft. Je dirais à ces gens-là que si un jour le dernier des podcasts fait un podcast sur Rocky à l'intérieur d'une boucherie ou d'un abattoir puis que vous ne comprenez pas pourquoi, ben il y a comme des petites choses. Il faut peut-être retourner à l'école. voilà. Donc, c'est un peu la même chose. Là, je veux dire, la terrasse d'Ubisoft, pour moi, c'est un temple de geek. Là. Ça fait 10 ans que c'est là. Il y a 2500 personnes qui travaillent 15 ans. Oui, mais il me semble que j'ai vu 15 ans aujourd'hui. OK, ça se peut. Ubisoft existe depuis 15 ans, mais je pense que c'est... Ça se peut 15 ans. Oui, oui, mm-hmm. J'ai travaillé là en 2000-2001. C'est ça, il y a beaucoup de geeks qui sont passés par là. Puis comme c'était tous des podcasts plus ou moins technologiques, voilà, ça donnait bien. On était bien contents, en fait, d'être là. La vue était incroyable. Ouais, j'ai pris des belles photos avec l'option panorama. Oui, excellent. Sinon, en fait, peut-être parler du développement. Il y a une petite mise à jour qui va se faire. Je sais qu'on a eu des problèmes avec l'application MQ Mobile, mais c'était dû au site web cette semaine. Mais tu es en train de développer quelque chose de nouveau, Vincent. Oui, je suis en train de faire une grosse mise à jour, un build from scratch. Je repars à zéro pour l'application MQ Mobile, qui est en fait l'application de MacQuébec. Donc, vous pouvez lire vos articles de MacQuébec. L'application plantait, malheureusement, quand le site a planté. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il y avait comme un message d'erreur qui est envoyé dans l'application. Puis, au lieu d'afficher le message régulier de « ça ne fonctionne pas », puis « ce ne sera pas très long », l'application plantait. Donc, malheureusement, pendant quelques heures, ça faisait ça. Sauf que le problème était réglé dès que le site a pu être... Excellent. Donc, l'application est « Build from scratch » et non pas « Build from trash ». J'ai déjà entendu ça. Mais ce ne sera pas tout de suite. Là. Ça va être, disons, dans les prochains mois, on va vous tenir au courant. OK. Parlant de développement d'applications et il y a iOS 6 dernièrement qui est sorti. On sait que pour différentes raisons, Apple a sorti. Tu avais quelque chose à rajouter avant qu'on passe au prochain bloc, Jeff? Non, c'est bon. Excellent. Donc, comme je disais, iOS 6 est sorti il y a quelques jours maintenant et Apple a dû faire un bold move, c'est-à-dire de faire un changement assez drastique au niveau de l'application Maps qui était, semble-t-il, utilisée par une grande partie des utilisateurs de iPhone. Ça a soulevé un tollé. L'application n'est pas l'équivalent de ce qui était l'application de Google. Elle n'est pas aussi précise il y a quand même certaines choses qui manquent. Entre autres, les trajets par transport en commun qui étaient disponibles avec Google parce que Google avait des ententes avec les différentes compagnies de transport en commun, les différentes agences. Maintenant, ça n'existe plus. Apple n'a pas ces ententes-là. Donc, on a pensé que ce serait une très bonne idée d'inviter Guillaume Campagna, qui développe ou qui aide au développement de l'application Transit App, qui est une application très, très belle au niveau de, justement, là, faire des trajets avec les transports en commun. Mais je pense que c'est devenu plus que ça. Vous avez travaillé très fort sur l'interface. Puis je pense que c'est une application qui est prise comme exemple de belle application développée. D'abord, bonjour, bienvenue avec nous, Guillaume Campagna. Bonjour. Bonjour. Si on commençait par le début, c'est transit.app que vous faites, mais c'est quoi un petit peu ton parcours? D'où tu viens exactement? Mon parcours, donc moi j'ai commencé, j'étais au cégep, depuis quelques temps, je faisais déjà de la programmation, mais au cégep j'ai commencé à plus m'intéresser au niveau des applications Mac, donc j'ai commencé très très lentement des applications Mac que je faisais pour moi-même, pas très avancé. OK. En quelle année, autour de quelle année, ça fait, si tu un peu? Ça fait 4 ans de ça. OK, excellent. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait, à ce moment-là, j'ai commencé à faire un petit peu plus sérieusement. J'ai décidé de lâcher ma job à temps partiel que j'avais à ce moment-là. Okay. Et j'ai décidé de me lancer en affaires, si vous voulez. Là. J'ai lancé MTL Mobile. Donc, MTL Mobile, ça a été ma première application niveau iOS. OK. C'est aussi une application de transport en commun. OK. Donc, c'est une application plus standard avec le UI standard de Apple. OK. Fait que j'ai commencé par là. C'est une application qui était très belle. Je l'ai, moi, puis c'était quand même bien fait. C'était très efficace. Bien, c'est ça. On peut dire que c'était stylish, mais ça c'était entièrement sous les guidelines d'Apple. On n'avait rien de custom. J'avais rien de custom. OK, excellent. Donc, c'est ça. Donc, j'ai commencé. Ça fait 4 ans de cela. Et ensuite, j'ai commencé à faire d'autres applications, des contrats un peu de mon côté. J'ai aussi fait Time Butler, qui est une application Mac que j'ai faite ça fait un an presque. OK. C'est une application de, si tu veux, de contrôle un peu de ton Mac, savoir ce que tu fais sur ton Mac, le temps que tu passes et si, mettons, tu veux pas... Pour te montrer que tu fais trop de Twitter puis de Facebook puis que tu fais pas assez de ta facturation puis tes autres trucs. Exactement. Et donc, tu peux mettre en mode focus aussi et ça va t'empêcher d'aller sur Facebook, sur Twitter, etc., etc. Oh, wow! Donc, c'est ça. Donc, ça a été lancé. Puis, à peu près, au moment où j'ai lancé Time Butler, à peu près en même temps, j'ai commencé à travailler avec Sam. Sam, ça fait déjà un bon bout de temps qu'il travaillait sur Transit avant que moi, j'entre dans le projet. Ah, OK, OK. Donc, c'est ça. Ça faisait presque un an qu'il avait fait ça on and off, qu'il avait commencé. Donc, c'est ça. On a commencé à travailler un petit peu plus sérieusement. Pour se retrouver encore une autre année plus tard, un petit peu moins qu'une autre année plus tard, on a lancé ça, ça fait 4 mois. Donc, on a lancé Transit ensemble il y a 4 mois. Ça fait 4 mois que Transit existe sur le App Store. Je pense que c'est une application qui a bien fonctionné. Les gens ont bien apprécié. La critique a été bonne. C'est une application qui est très belle. Parle-nous de la décision un peu d'aller... parce que tu as dit que MTL Mobile était beaucoup avec les guidelines d'Apple. Là, vous avez décidé de faire complètement autre chose. Oui, mais il faut dire un peu... le designer de l'app, on peut dire, c'est Sam. Moi, je suis plus... c'est sûr que j'ai toujours mon mot à dire niveau UI. On prend les décisions ensemble. Mais niveau design, vraiment, c'est Sam. C'est le style de Sam. J'ai rien à contredire là-dessus. Okay. Donc, c'est ça. Donc, on a pris nos choix ensemble, nos choix d'interface. Mais aller complètement à l'envers d'Apple, ça, c'est Sam qui pousse ça. Puis, en même temps, c'est une interface qui est entièrement custom. Donc, il va y avoir des éléments, évidemment, qui vont rappeler les interfaces standards. Et on a des éléments standards, mais la grande majorité de la navigation, surtout dans l'application, est custom. OK. Ça, tu parles de custom, donc, par exemple, les couleurs ou l'espèce de barre de navigation que pas, finalement, comme la plupart des applications au départ, comme ton application MTL Mobile qui est là, par exemple. Ouais, okay. Donc, c'est ça. Donc, un peu, en fait, on a, ça s'appelle une navigation contrôleur, la navigation de barre, taper, tu peux, ça slide une nouvelle liste, taper, ça slide une nouvelle liste, une navigation contrôleur. Okay. Et nous, en fait, on a une navigation contrôleur complètement custom. Donc, c'est, si tu veux, c'est une carte qui est en arrière-plan. Okay. Et quand tu vas, tu as la liste des autobus autour de toi qui arrive par-dessus. Et donc, quand tu vas voir la map, au contraire, cette fois-là, la liste des autobus autour de toi s'en va. Et donc, ça, la map apparaît en premier plan. Donc, OK. C'était-tu juste un désir d'offrir quelque chose de visuellement différent? Ou peut-être, je ne sais pas si tu peux répondre pas nécessairement à la place de Sam, mais est-ce qu'il y avait une autre raison derrière ça qui vous a poussé? Est-ce que peut-être les outils d'Apple ne vous permettaient pas de faire ce que vous vouliez? Ou... Je pourrais pas dire que les outils d'Apple ne nous permettaient pas, mais c'est sûr que l'interface qu'on a, donc, tu sais, avoir une carte en plein écran dans le sens qu'elle prend tout l'écran au complet. Mm-hmm. Évidemment, c'est pas des choses qui rentrent, si tu veux, dans les paradigmes standards d'Apple. OK. Donc, à ce moment-là, on a été custom et aussi, ça nous permet... de nous différencier. Donc, Apple aussi maintenant fait du custom presque entièrement, même s'ils gardent leur même paradigme. OK. Ils font custom. Donc, comme on peut le voir dans iOS 6, la nouvelle application de musique, la nouvelle Find My Friends, ou je pourrais en donner d'autres. Ouais, le calendrier podcast, sur le... Ouais. C'est ça. Donc, c'est eux aussi vont dans cette direction-là sans... sans changer tout ce qui est niveau SDK. Donc, qu'est-ce qui est niveau SDK, les outils qu'Apple donne? On n'a pas de nouveaux thèmes disponibles standard, donc c'est tout custom. C'est vraiment quelque chose que le développeur doit faire. OK. OK, excellent. Et Mon autre question, en fait, c'est, bon, vous avez lancé l'application il y a 4 mois. Ça fait quand même un bon bout de temps que vous la développez. Vous attendiez peut-être pas à ça, mais on s'entend que le fait que Apple ait sorti son application Maps, que contrairement à celle qu'il y avait avant de Google, il n'y ait plus de trajet de transport en commun et que quand on lui en demande un, bien, ça nous affiche soit une liste d'applications qu'on aurait déjà dans notre appareil qui permettent de le faire, ou que ça nous amène sur le App Store pour nous suggérer des applications qui sont capables de le faire. Ça, de un, est-ce que vous saviez pas que l'application allait changer, en fait, quand vous aviez commencé Transetap? Non, du tout. Donc, en fait, notre but au début dans Transetap, c'était vraiment de pallier à ce que Maps offrait pas. Donc, okay. On voulait offrir les autobus qui sont autour de toi très rapidement. C'est okay. vraiment notre but premier. Tout ce qui a été trip planning a été rajouté après parce que nous, ce qu'on avait comme idée, c'est que Apple et Google offrent le trip planning. OK. Et le faisait relativement bien. On n'avait pas besoin d'aller chercher des utilisateurs pour remplacer Maps. Nous, on voulait vraiment aller remplir le chaînon manquant pour les utilisateurs de transport en commun. OK, excellent. Et puis là, j'imagine que le fait qu'il y ait eu ce changement-là, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu une augmentation comme flagrante du nombre de téléchargements de l'application depuis iOS 6, je dirais? Oui, bien sûr. Même avant iOS 6, les jours qui ont précédé le lancement ont été un petit peu plus intenses. C'est vraiment le lancement a été très intense. Je pense que je pourrais vous partager tantôt un petit graphique. Là. Vous pourrez peut-être mettre dans les notes. Là. On n'est pas cachotier. Évidemment, il n'y aura pas les valeurs absolues, mais bon, on n'a aucune cachette. On a évidemment des plus grandes ventes qu'avant. Mm-hmm. C'est un petit peu spécial. En fait, vous offrez, l'application est gratuite, mm-hmm. mais vous offrez un abonnement qui est en achat in-apps. Est-ce que c'était pour éviter de vous faire demander des promo codes ou c'est le modèle d'affaires en fait qui veut ça? Puis qu'est-ce que donne cet abonnement-là? Donc, c'est ça. Donc, quand tu télécharges le transit pour la première fois, ça te permet de voir les 3 autobus qui sont autour de toi. Et seulement les 3 autobus qui sont autour de toi. Si tu veux voir plus loin, des autobus qui sont plus loin de toi, il faut s'abonner. Donc, la majorité des cas, tu vas ouvrir l'application Transit, l'autobus que tu cherches va être là. Okay. Donc, tu vas pouvoir l'utiliser, tu vas pouvoir voir toutes les fonctionnalités, voir si ça marche bien. Donc, en fait, c'est un trial, si tu veux. Mm-hmm. Mais ce qui arrive souvent, c'est que tu vas te retrouver dans une situation où, cette fois-là, c'est pas dans les trois plus proches. Donc, on cherche vraiment à offrir le plus de fonctionnalités possible sans en même temps donner l'accès complet. Okay. Donc, on voulait vraiment offrir un trial, ce que Apple permet pas un trial de temps. Mm-hmm. Nous, on voulait offrir vraiment la possibilité de voir toutes les fonctionnalités de l'application avant de l'acheter en tant que tel. L'abonnement vous permet aussi d'avoir les données hors ligne. Donc, si tu es sans abonnement, c'est seulement par Internet. Donc, si tu es métro, par exemple, tu n'as aucune façon d'avoir tes données si tu n'as pas d'abonnement. OK. Puis, oui. Excuse-moi de t'interrompre. Ah oui, ben oui. Au niveau développement, sans donner de détails, est-ce que, par exemple, vous passez sur des informations qui sont déjà en ligne, comme avec Google, qui offre, qui publie finalement en ligne leur... tracés, puis les routes, les horaires d'autobus, ou c'est vraiment vous recueillez à partir de différentes compagnies comme la STM ou ça? Donc, nous, on utilise GTFS, qui est le format standard de Google. Mm-hmm. En fait, quand Google a commencé à faire à intégrer les autobus, etc., ils ont fait un standard, un format qui représente les horaires pour une société de transport, qui s'appelle le GTFS. Donc, le GTFS, tranquillement, pas vite, est devenu le standard. Maintenant, c'est pas mal standard. La plupart des sociétés de transport qui offrent leurs données ouvertes aux développeurs l'offre en GTFS. Donc, ouais, nous, on prend... STM, là, par exemple. C'est ça, le STM depuis peu. En fait, ça a été une des raisons pourquoi ça a été retardé un peu le lancement de Transit. On attendait un peu la STM avant de lancer. Mais c'est ça, donc c'est vraiment les sociétés de transport en tant que telles qui offrent leurs données. Google, en tant que telle, n'a pas de lien là-dedans. Et ils ont offert un format donné, mais il n'y a aucun lien de Google direct entre nous et les sociétés de transport. Ah, OK. Et puis, donc, l'application fonctionne bien. Ça fait 4 mois qu'elle est mise en ligne. Sinon, au niveau de la compagnie, vous êtes en mesure de vivre de ça en ce moment ou il vous faut une job chez Tim Hortons? Ou... Non. Ben, en fait, Sam fait ça à temps plein. Il y a aussi d'autres applications qui lui permettent de survivre. Ouais. Mais moi, en ce moment, je suis encore à l'école. Je suis à l'Université de Laval en ce moment. Donc, je suis encore à temps plein à l'université, malgré que... l'université est de moins en moins temps plein personnellement. Je passe beaucoup de temps sur Transit. Mais oui, c'est ça. Je suis encore à l'école, mais Transit, oui, subvient à mes besoins. Et encore MTL Mobile, je dois dire, il y a encore des ventes de MTL Mobile qui se font. Oui, oui. En fait, je ne ferai plus beaucoup de mises à jour de MTL Mobile, mais les ventes continuent. Il n'y a aucune raison de l'enlever du store si les gens l'apprécient encore. Excellent. En plus, il y a le métro, je crois, que tu offres aussi dans cette application-là. Oui, mais en fait, MTL Mobile supporte... en fait, Transit aussi, mais toutes les sociétés de transport à Montréal et les environs, donc RTL, STL, SDM... C'est ça, AMT, les trains de banlieue et toutes les CIT qui sont un petit peu plus petites. Là. Ah, c'est bien. Sinon, au niveau de... j'imagine que ça a tombé un peu comme une bombe. Vous êtes en développement d'une application. Tout ça, vous vous basez sur des données. En fait, tu nous expliquais que vous ne vous basez pas sur Google, vous vous basez sur le format de fichier que Google a proposé. Mm-hmm. Donc, vous qui avez eu un changement au niveau des cartes, au niveau de l'application cartes, ça ne vous a pas impacté tant que ça? En fait, au niveau développement, le changement de carte de Apple, le seul changement visible pour les développeurs, c'est vraiment seulement l'intégration avec Map pour transférer un trajet que tu vas faire dans Map à ton application. C'est vraiment la seule modification visible que Apple a faite. OK. Donc, c'est pour ça que si tu mets à jour ton téléphone, toutes les applications qui utilisaient Google Maps offertes par Apple avant, pour maintenant utiliser les cartes d'Apple. Donc, il y a littéralement zéro modification à faire. Ils ont fait ça super simple. C'est ça. J'avais regardé ça, puis je travaillais sur justement une application, la carte, tous les points avec les coordonnées GPS, vraiment tout fonctionnait bien. Je sais pas si au niveau des animations, je pense qu'ils ont changé certaines petites choses, là, mais c'est tellement minime. Là, au niveau données, ils n'ont rien changé, donc c'est vraiment intéressant. C'est ça, c'est 100% compatible, mais Apple a bien dit dans certaines... sous-entendu qu'il y avait, cette fois-ci, il n'y avait aucun changement, mais que permettre d'apprendre le contrôle un peu des cartes va leur permettre d'avoir des changements plus rapides dans le futur puis des avancements un petit peu plus rapides, même pour les côtés développeurs aussi. Là. OK. Sinon, ton opinion à toi sur cette application-là, Maps de Apple, ces changements-là, est-ce que... j'imagine que tu as lu un peu comme tout le monde sur Internet là, ce qui se passait, ce que les gens en disent. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'informations qui est donnée qui sont plus là, une espèce de façon des gens qui bâchent sur Apple plus que d'autres choses pour donner de la crédibilité à leurs produits et autres choses. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce changement-là? Au niveau des cartes, moi, je pense que c'est un bon changement en général. C'est sûr qu'il y a beaucoup de bémols. Oui. Donc, j'ai iOS 6 depuis la première bêta et on doit le dire, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements depuis la première bêta. Avec tout le bashing qu'il y a en ce moment, j'ose pas imaginer comment ça aurait été de lancer avec la première version. Avec la première version, parce que moi, j'ai vu l'évolution. Donc, pour moi, les maps d'Apple sont pas si pires si on compare à la première version. C'est vrai. C'est ça, les cartes d'Apple, je les trouve très belles. Je les trouve mieux faites que Google Maps. Ah, OK. C'est vrai que c'est beau. Les maps viennent de où? Est-ce qu'on le sait officiellement? C'est TomTom qui offre les maps ou ils offrent juste la coordonnée GPS ou c'est OpenStreetMap? En fait, les données viennent de plusieurs fournisseurs, dont TomTom et OpenStreetMap, okay. et d'autres aussi. Comment ça s'appelle? La petite application, le Maze? Waze? Ça se peut, je ne sais pas trop. Okay. Ouais, mais si, on peut aller voir là, dans Maps, à propos, il y a une longue liste de fournisseurs. De fournisseurs, OK, je ne savais pas. Il y a aussi tous les fournisseurs qui sont au niveau satellite, les images satellites. Okay. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est toutes les données en tant que telles. Apple ne fait rien niveau données, mais tout ce qui est design des cartes en tant que telles, ça a été fait à l'interne, à ce que je sache. Là. OK. Donc, ce que vous voyez, les cartes, c'est fait par Apple, mais tout ce qui est données, c'est pas fait par Apple. Et c'est aussi un peu mon bémol sur les... mon gros bémol sur les cartes d'Apple, c'est les directions voiture. J'ai pas eu de problème à date, là. J'ai entendu des histoires d'horreur, mais bon, ça m'est pas arrivé. Mm-hmm. Mais moi, les gros problèmes que j'ai eu avec, c'était surtout chercher des attractions autour de toi, chercher des restaurants. Il manque beaucoup de choses et c'est un peu agaçant. Même avant, des fois, je me faisais prendre par Google Maps. Fait que là, j'ose pas imaginer qu'est-ce que je vais faire. C'est bon. Écoute, je ne sais pas si tu veux rester avec nous, il n'y a pas de problème. On va passer une bonne série de nouvelles. Si tu es intéressé à rester, tu vas pouvoir commenter. Il n'y a pas de problème. Sinon, on te laisse aller. Non, je vais rester avec vous. Ah, OK, excellent. Cool, super. Merci pour ton passage. Et puis, on va passer au bloc nouvelles que tu nous aideras à commenter un peu. J'imagine que tu suis un peu comme nous l'actualité Apple. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, ça fait quand même 2 semaines qu'on ne s'est pas vu, comme on ne s'est pas vu, en fait, depuis le 20 septembre, où on a fait le podcast de la ligne du iPhone 5. Et depuis, on a eu des chiffres, en fait. Apple en a vendu 5 millions de ses téléphones, ce qui est quand même assez impressionnant, considérant que, je pense que je lisais, Nokia, en 90 jours, en a vendu quelque chose comme 4 millions là, de ses téléphones, donc, puis il y avait... Chose, ouais. Puis c'est souvent... ça, c'est rare dans d'autres compagnies, à part Samsung, là, qui commence à arriver un peu comme à Apple, là, au niveau des fanboys, qu'à chaque année, tu changes de téléphone, même si ton téléphone fonctionne super bien, tu veux quand même avoir la dernière nouveauté, puis aller faire la file comme toi, tu l'as fait, par exemple, puis JF aussi. C'est pour ça que, finalement, ils en ont vendu encore plus que l'iPhone 4S, parce que il y a eu un changement assez... un bon changement entre l'iPhone 4S puis le 5, contrairement au 4 puis au 4S. Donc, le monde qui avait le 4 ont décidé probablement d'acheter le 5. Puis ceux qui avaient 4S, comme toi, qui veut garder quand même le dernier téléphone, vont l'acheter. Donc, c'est sûr qu'Apple, dans les premiers jours, ils font leur buzz, là, comme à chaque année, espèce de rupture de stock où les 2-3 semaines là, qui s'accumulent sur le App Store, l'Apple Store là, en ligne. Effectivement, on a vu qu'il y a encore des lignes, d'ailleurs, au Apple Store sur Sainte-Catherine. Le matin, d'après moi, ils reçoivent une petite quantité de téléphones et les gens se mettent encore en ligne pour l'acheter. Donc, c'est assez impressionnant. La ligne que j'ai prise en photo quand j'ai été en fin de semaine, ouais. c'était une ligne pour ceux qui avaient réservé leur iPhone. Ah, parce qu'ils prenaient des réservations. J'ai demandé au gars, je me souviens plus c'est quoi son nom, là, il est là à chaque année, à chaque fois qu'on y va. Là. Puis j'ai demandé, pourquoi ils font la ligne? Il dit, parce qu'eux autres, ils ont réservé leur iPhone et ils viennent juste le chercher. Mais l'affaire, c'est qu'ils en rentrent juste un à la fois. OK, pour activer son truc, il doit avoir un employé qui est réservé à ça. Fait que c'est une personne à la fois. Fait que quand j'ai été samedi, il y avait à peu près comme genre 10 personnes, je pense, en ligne. 10, 30, 10 et 15, fait que c'était vraiment long. Là. Okay. Mais... Sinon, toi, tu l'as acheté, Jean-François? Vincent, tu l'as pas, toi? T'es pas allé chercher l'iPhone 5? Je suis un peu dans le même... je suis aux études. Puis moi aussi, mon budget me le permet pas, malheureusement. par contre, je voudrais vraiment, là, mais c'est ça, mon budget le permet pas. Puis mes applications font moins d'argent que j'imagine le Transit App ou en tout cas, j'imagine, parce que mes applications sont pas vraiment disponibles pour le monde. Fait que comme c'est très, très, très localisé, le banc de personnes est beaucoup moindre. Donc, malheureusement, je peux pas vivre de mes applications, mais j'aimerais ça, sauf que... On en profite pour rappeler aux gens qui nous écoutent que sur le site de Mac Québec, il y a un petit bouton PayPal pour les dons et qu'on prend les dons pour aider les étudiants à s'acheter des iPhone 5, entre autres. Oui, macquebec.com/entre-direct. Voilà. Toi, Guillaume, j'imagine que tu as mis la main sur un iPhone 5? C'est un peu compliqué, mon affaire. En fait, j'ai eu une notification aujourd'hui et preparing for shipment en ce moment. Donc, c'est ça. En fait, j'ai voulu le précommander au début. Oui. Mais après, je me suis dit, je vais aller faire la ligne. C'est pas si grave. Mais à peu près 4 jours plus tard, après les précommandes, je pense qu'on a su... en fait, c'est René Ritchie. J'ai vu un tweet qui a dit ça, qui disait qu'il n'y aura pas d'unlocked en magasin. Okay. Donc, pour moi, j'avais besoin d'un unlocked. Donc, c'était pas tellement possible. Mm-hmm. Donc, finalement, j'ai pris... précommandé à ce moment-là, mais donc c'était déjà un peu loin dans la file virtuelle. T'es avec quelle compagnie? Je suis avec Fido, mais je suis en train de changer. OK. J'imagine pour une autre compagnie qui ne fait pas partie du giron de Fido. Moi, j'ai lu, il y a quelqu'un qu'on connaît bien et qui est assez teigne pour avoir réussi, mais il semblerait en fait que quelqu'un a acheté un iPhone 5 et a réussi chez TELUS à le faire débarrer là, jour 1 pour 50$ ou quelque chose comme ça. Sinon, ouais. On aurait entendu dire qu'il y a des façons de le faire débarrer sur Internet, sur des sites qu'on ne vous recommande pas nécessairement, mais c'est une possibilité si vraiment vous avez besoin de faire débarrer votre téléphone. Ben c'est ça, j'avais mon petit contact aussi dans Apple Store qui m'avait dit ça que ben en fait lui il proposait Rogers, j'imagine que c'est un peu si tu le payes plein prix, tu prends pas de contrat, tu peux le faire débarrer dans le premier mois. Mm. Mais c'est ça pour 50$. Donc je pensais pas que ça valait la peine acheter un téléphone et aussi faire un contrat, parce que j'ai pas de compte Rogers, donc je pensais qu'il fallait faire un compte Rogers pour ça. Donc, je me suis dit, tant qu'à y être, je vais le faire ça en ligne. Je suis pas si pressé de l'avoir non plus. Excellent. Moi et Jean-François, en fait, avec notre iPhone 5, on a, en fait, il y a une nouvelle qui est sortie à peu près jour 1, qui était, en fait, que le iPhone 5 aurait eu des problèmes d'égratignure, des petites chips. Qui partait sur certains modèles. Ça nous a foutu un peu la trousse. Et au Apple Store, au jour 1, il n'y avait pas de housse à vendre. Il n'y avait pas de protecteur, il n'y avait rien reçu. Ce qui était très bizarre habituellement, parce qu'un magasin fait des sous sur la vente liée, en fait, au produit. Puis, rapidement, en début d'après-midi, JF a pogné l'information qu'il y en avait chez Future Shop ou à d'autres endroits. Et puis, on est rapidement allé là. Mais il y aurait des problèmes d'égratignure avec le iPhone 5. Pour ce qui est des chips, en fait, c'est le côté du téléphone dont la peinture s'écaillerait ou quelque chose comme ça. Sur un petit morceau d'aluminium. Mais pour ce qui est des égratignures en arrière, il y a eu des démonstrations qui ont été faites sur Internet de gens qui passaient des clés. Et après ça, ça faisait effectivement une trace sur le téléphone, mais tu passais ton doigt puis ça l'enlevait. Donc, est-ce que c'est des vrais problèmes d'égratignure ou c'est des gens qui ont capoté un petit peu puis ont mis l'information trop rapidement? Ça reste à voir. Je pense que c'est un peu des deux, parce que même il y a eu un message qui est sorti d'un des directeurs de chez Apple. J'oublie complètement son nom, là, mais mm-hmm. Il a répondu à un courriel disant que oui, l'aluminium, c'était normal qu'il y ait une espèce de décoloration dans le contour du iPhone. Donc, je trouvais ça un peu plate quand il a répondu ça, parce que dire que c'est normal que ton produit se défraîchit une semaine après que tu l'aies acheté, c'est un peu plate. Ouais. Mais ce qui est expliqué, c'est comme l'oxydation de l'aluminium de quelque chose. Mm-hmm. Là. Mais bon. Uh-huh. Ouais. Mais bon, c'est ça. Mais il faut pas s'étonner non plus là, avec Apple qui a gardé le dos chromé des iPods pendant des années, qui évidemment en quelques jours d'utilisation devenait plus tant chromé que ça. C'est ça, une patinoire de troisième période là. D'une série finale, là, ça rayait assez solide. Puis même souvent, bon, on voyait l'espèce d'Antanagate qui n'existait pas vraiment, mais qui a comme été réglé là, quelques mois plus tard. Un produit qui vient de sortir, souvent, il y a peut-être des petits problèmes qui vont régler dans la production dans les prochains mois, peut-être. Là, donc, on va voir. Effectivement. Un des gros problèmes, puis je pense que c'est en train de s'estomper, c'est comme si les batteries avaient été trop neuves et que tranquillement, pas vite, sont en train de prendre leur air d'aller. Mais cette semaine, sur le site de Mac Québec, Jeff t'a fait un petit tutoriel pour essayer de montrer aux gens comment diminuer en fait leur utilisation de batterie, les petits trucs qui pouvaient aider à ça, en fait. Ouais, pour régler le problème, parce que c'est ça le problème. À chaque fois qu'Apple sort un téléphone et un nouveau système d'exploitation qui va avec leur téléphone, le problème de batterie revient toujours. La version 1, là, ça revient toujours, le problème de batterie. C'est surtout l'iPhone 5, là, on sait, mais j'ai montré aussi la différence des deux batteries entre le iPhone 4S et le iPhone 5. Il y a pas grand marge de différence entre la puissance de la batterie. On sait qu'à iPhone 5, la batterie est plus grande, par exemple, à cause du 4 pouces. Le processeur est fait plus petit, devrait prendre moins de courant. Le Bluetooth aussi, parce que c'est la version 4.0 qui est dedans, fait qu'elle est renommée pour prendre presque pas de courant. Mais le iPhone 5 prend extrêmement beaucoup, mais beaucoup de jus. Là. C'est l'enfer, là, comment que... Ouais, en même temps, on disait ça pour le 4, on disait ça pour le 4S. Je me rappelle quand vous l'avez eu, le 4S, vous n'étiez pas capable de durer une journée. Je t'offre pas une journée, moi, là. C'est ça, fait que je pense que c'est un peu se connecter, puis en plus avec le LTE... Ouais, ça, c'est une autre affaire. Il y a de la consommation supplémentaire, puis l'autre chose aussi, c'est que vu que l'appareil est plus puissant, ce qu'on utilise sur l'appareil, comme on le disait aux amateurs de Mac Bonsoir, moi puis JF, on s'est parlé en FaceTime toute la semaine. Fait que comme on n'utilise pas la voix, qui consommerait beaucoup moins, on utilise la vidéo, on utilise la LTE, on utilise ici ça... C'est sûr que ça consomme plus. Un des facteurs, je pense aussi, qui fait que la batterie est très, très utilisée, c'est que la couverture LTE, j'ai utilisé le mot « motonneux » cette semaine sur Twitter pour quelqu'un qui me posait la question, là, c'est très éparpillé. Les antennes sont très éloignées l'une de l'autre. C'est pas la même couverture que du 3G. Et j'ai l'impression que quand tu te déconnectes puis tu te reconnectes, puis qu'il est toujours en train de faire des check-ups pour voir y a-tu du LTE, y a-tu du 3G, ça doit lui bouffer quand même beaucoup d'électricité. Écoute, t'as un problème chez vous d'ailleurs, JF. Ouais, parce que. Ben vas-y, Vincent, je vais continuer après. Okay. On l'a vu d'ailleurs, par exemple, Patrick Ducharme qui est à Sherbrooke. Même moi, j'ai entendu du monde qui sont à Trois-Rivières où le LTE n'était pas disponible jusqu'à récemment. Puis. Le LTE, en fait, l'option était activée. Donc, ils cherchaient constamment s'il y avait du LTE. Non, donc ils se connectaient sur le 3G. Puis, juste ça prenait de la batterie. Donc, si tu désactivais l'option LTE, dans une région où tu n'avais pas besoin d'LTE, là, par exemple, Montréal, c'est sûr que si tu te déplaces, tu vas te connecter, tu vas te déconnecter. Mais dans une région, par exemple, Trois-Rivières, justement, où il l'était pas jusqu'à récemment, tu pouvais désactiver ça pour prendre moins de batterie un peu. Donc, c'est sûr que comme toi, qu'est-ce que tu vas parler, j'imagine, JF, chez vous? J'en ai pas. Ouais, c'est ça. j'habite dans Rosemont, OK, à Montréal, dans Rosemont, en face du Stade olympique, et j'ai pas de LTE dans mon coin. J'ai vérifié sur la carte de Rogers, puis Montréal est supposé être couvert. Fait que j'ai appelé Rogers jour 3, je pense, jour 4 peut-être même. Puis il dit, bon, on va vous faire un... On va créer un billet et quelqu'un va vous rappeler dans les 72 heures. Là, le monde me disait, ah, ils te rappelleront pas, tu vas voir, ils te rappelleront pas. Puis comme je leur ai dit, à chaque fois que je demandais une affaire à Rogers, ils m'ont toujours rappelé. Et comme de fait, ils m'ont rappelé. Moi, dans Rosemont, mes antennes cellulaires sont au coin de Rosemont et Pinneuf. Il y a un grand building. Oui. C'est couvert d'antennes là-dessus. Ah oui, il y a des soucoupes, il y a des... Ah oui, il y a tout. Mais tu sais, c'est lequel, toi? Oui. Bon, ben c'est ça. Fait que c'est cet immeuble-là qui couvre pas tout Rosemont, mais une bonne partie. Mais ce que la personne de Rogers, quand elle m'a appelé, me dit, c'est que ces antennes-là ne sont pas LTE. OK. Ils sont encore à version 3G parce qu'ils ne peuvent plus en mettre sur le building. Ils n'ont plus de place. Fait qu'ils sont en train de chercher des spots dans le coin. Fait que s'ils enlèvent les 3G, ils se retrouvent à mettre des LTE, mais à ne plus couvrir le 3G. Exactement. Il y a comme la moitié des téléphones qui ne fonctionneront plus dans Rosemont. Donc, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Fait qu'ils sont en train de chercher des places où mettre des nouvelles antennes LTE. Mais il dit que ça ne sera pas pour tout de suite. Là. Il dit j'espère pas ça dans un mois. Là. Il dit ça peut être plus long que ça. C'est assez fatigant. C'est assez fatigant, oui. Fait comme moi, ce que j'ai fait, j'ai désactivé mon LTE parce que, tu sais, même où ce que je travaille à côté de même, tu sais, j'étais à 20 minutes de mon travail, là, fait que j'ai pas de LTE non plus. Fait que j'ai désactivé mon LTE. Fait que quand, mettons, je sors pour aller au centre-ville ou ailleurs qui a du LTE, je le réactive. Mais pour l'instant, il est désactivé sur mon téléphone, là, il ne fonctionne pas. Là, fait que c'est un peu poche, là, mais là, il faut que j'appelle Roger, je les ai pas rappelés, c'est vrai. Faut qu'il me descende mon forfait. Mais donc, c'est ça, à l'utilisation, est-ce que ça vaut la peine, le LTE, ou c'est vraiment... Ça vaut la peine. On a vu des images que le monde, il y avait des consommations, ça se pouvait pas, là. C'est comme des 60 puis des 50 en upload. Là. Ici, on pogne même pas 15. Là. Au centre-ville de Montréal, là, quand j'ai été refaire changer mon iPhone, parce que j'ai passé une semaine là, l'enfer avec mon téléphone, là. C'est comme... Puis quand j'ai fait un test avec le nouveau téléphone qu'ils m'ont redonné en fin de semaine, je pognais 15 puis 9, je pense, au centre-ville de Montréal. J'ai pas vu, effectivement, là, j'ai fait quelques tests sur le iPhone avec Speed Test. Mm-hmm. Puis d'abord, j'arrive pas à trouver un spot où est-ce que j'ai du plein signal LTE non plus. Solide qui tient, puis que, tu sais, il y a pas de... Tu pognes du LTE, mais il a l'air de basculer tout le temps, puis de tomber. Disons que la couverture là, est pas géniale. En tout cas, chez Rogers, je trouve pas ça génial. Je pense que le réseau le plus récent, c'est celui de Bell. Oui, mais ce que je trouve bizarre aussi, c'est sur le site de iPhone in Canada, il y a du monde qui ont mis leurs tests de speed test, et ils sont comme à Toronto, whatever, mais eux autres sont dans full tapis, là, c'est l'enfer, là, ça roule à finir à Toronto, là, tu sais. Ouais. C'est comme on dirait, nous autres, on est délaissés. C'est peut-être une vieille version de, tu sais, c'est peut-être encore la première version du LTE qui est à Montréal, là. Il y a deux versions dans le LTE, il y a du 2100 et du 2700. Et nous autres, chez Rogers, ce serait le 2700, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une espèce de mise à jour, soit software ou hardware à faire là-dessus, parce que les équipements les plus récents qui sont installés sont ceux de Bell, qui a une petite portion de son réseau qui est en 2700, mais une autre portion qui est en 2100. Et Bell supporte le HD audio, qui est une fonctionnalité qui permet d'avoir des conversations audio beaucoup plus clean avec le téléphone. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas exactement. Il va falloir qu'ils fassent un upgrade de leur machine. Mais en même temps, la problématique, c'est que comme on est des adopteurs précoces, on se retrouve avec un téléphone qui est capable de se connecter sur des réseaux beaucoup plus rapides, mais ces réseaux-là sont comme pas bien développés. C'est un peu fatigant. Moi, je l'ai utilisé aujourd'hui. Je voulais faire une mise à jour. Je voulais télécharger Ubuntu Dexter en 1080p. As-tu pris du temps à installer? Non, ça a bien été. Mais je l'ai fait par mon téléphone, justement, pour que ça aille quand même un petit peu plus vite. C'est sûr. Et en fait, les tests que je faisais, là, c'était autour de 15 mégabits. Là, tu sais, fait que c'est pas le maximum qu'on nous offre ou qu'on nous promet. Puis, si je me trompe pas, le iPhone 4S est aussi capable d'aller à ses vitesses de 15 mégabits seconde. Ouais. Il tourne en HDSPA+, là, il tourne autour de 14. Là. Mm-hmm. Fait que c'est pas si plus que ça. Maintenant, faut dire que les plans de données semblent être le même prix. Ils n'en ont pas nécessairement profité. Tu sais, il y a un 6 gigs pour 30$. Ils l'ont encore, puis c'est 30$, puis c'est LTE. C'est là. Ouais. Ils n'ont pas augmenté. Ils ont juste migré les comptes sur du LTE, mais il n'a pas augmenté, là, parce que 6 gigs, à un moment donné, là, mec, les téléphones viennent tous en LTE, là. Le monde va commencer à chialer quelque chose de rare. Là. C'est ça que j'ai fait. Moi, cette semaine, tu vois, j'ai reçu le 29, j'ai reçu un SMS qui me disait « Vous avez atteint 80% de vos données. » Puis là, ben, je faisais des appels FaceTime puis tout le kit. J'ai fait « OK, on se calme. » Le 29, j'ai reçu un autre SMS qui, en fait, deux SMS qui me disaient « Vous avez topé le 100% de vos données. » Fait que là, j'ai fait « Ben, faut que je me calme. » Puis là, j'ai dit « Hey, je vais appeler Rogers parce que j'ai pas envie d'avoir une espèce overhead de fou. » Ils vont me charger comme 400$ pour les données supplémentaires, puis tu le quittes. 400$ du meg. Ouais, quelque chose, tu sais, une affaire de fou. Puis là, j'appelle, puis la fille, elle me dit « Oui, ce qu'on voit, en fait, ça se met à jour, c'est des sessions. C'est ça qu'ils disent dans l'application My Rogers, mais elle avait l'air de m'expliquer, ben c'est comme des sessions, puis on ne sait pas quand est-ce que ça ferme, puis tu le quittes. Puis là, elle me dit, au mois de pour le 1er octobre, donc la journée comme avant, quand j'ai appelé le 2, elle dit « Vous auriez consommé 1,2 gigs. » Puis j'ai fait, attends, consommer 1,2 gig, elle dit oui, vous avez à payer un 80$ supplémentaire. 1,2 gig de plus? Puis. Toi, t'as quoi? Ben, j'ai 6 gigs en tout. Pour la seule journée du 1er octobre, j'aurais comme consommé 1,2 gig. Puis là, j'étais comme, écoute, va falloir que tu fasses de quoi. Puis là, ben le premier gars, évidemment, à qui j'ai parlé, m'a dit, je peux rien faire, c'est ça. Il m'a offert un plan flex à 45$, le prix de départ, qui montait jusqu'à 90$ pour 9 gigs. Puis là, j'étais là, écoute, c'est pas une solution que tu m'offres, là. Tu sais, je te dis que j'ai un rhume, puis toi, tu me dis, coupe-toi le nez, ça m'offrera plus. Voyons donc, là, c'est ridicule. Donc, là, j'y ai dit, écoute, je vais canceller, pour qu'il me passe au service de rétention. Puis le gars m'a bien expliqué, puis je pense qu'il y a un changement, là. Ils sont tannés de se faire un peu avoir, mais il dit, écoute, je t'envoie au service de rétention, qu'on appelle maintenant le service de cancellation, ils vont canceller. Puis, en fait, arrivé au service de rétention, j'ai expliqué mon problème au gars, il est revenu, bon, il essayait de faire quelque chose. J'ai eu un deal, normalement, chez Rogers, c'est 100$ pour 10 gigs. Puis, par mois, ils m'ont fait un deal à 50$ par mois. Fait que je l'ai pris parce que je me suis dit je vais buster tout le temps puis je veux pas avoir tout le temps à les appeler, tu sais. Mais effectivement, là, qu'à la vitesse du LTE, là, si tu pars, tu sais, une application, là, je sais pas, là, qui a mal été codée, je sais pas quoi, puis qui commence à télécharger en malade mental des données pour rien, tu sais, bon, c'est sûr qu'il y a une... Ou, t'sais, des applications gratuites qui ont de la publicité, là, qui se connectent sur des serveurs. Ouais. Soit ça, ou t'sais, iTunes Match qui pète une coche, puis qui commence à télécharger, puis tu ne sais pas, ou t'sais, bon, n'importe quoi. Tu vas consommer ton truc, puis tu peux ne même pas t'en rendre compte tellement la connexion LTE peut aller vite. Puis que tu le vois pas, là, ton téléphone est dans tes poches. Fait que c'est un peu dangereux. Puis là, on a appris cette semaine que chez Verizon, il y avait eu un bug au niveau de leur truc qui disait, bon, ben à chaque fois que tu utilises du Wi-Fi, c'est calculé dans ton data cellulaire. Fait que là, c'est sûr que le monde, il y avait des hauts débits. Et cette semaine, il y a iPhone Canada qui a sorti, bon, ben, y a-tu la même chose chez Rogers, le kit? Puis là, ils ont dit, ben, écoute, on est en train d'investiguer, on pense pas, puis le kit, mais écoute, 1,2 gig en une journée, là, tu sais, j'ai rien fait, là, cette journée-là, fait que c'est un peu bizarre, fait que je vais continuer à les agresser. Oui, c'est ça. Puis pour continuer aussi sur l'article que j'ai fait sur Mac Québec, ouais, à propos de la batterie, quand j'ai été faire changer mon téléphone samedi, j'ai demandé au gars, est-ce que tu peux me faire un test de la batterie du premier iPhone 5 que j'ai acheté, parce que ça n'a pas de bon sens, là. C'est comme, je t'offre même pas 5 heures, puis il est mort, là, tu sais. Ouais. Fait que le gars, il a fait un test. Maintenant, ça fonctionne sur une page web maintenant. C'est intéressant. Fait que... Le résultat a sorti normal, mais sauf que le taux d'utilisation n'était pas bon. Okay. Le nombre d'heures n'était pas bon. Fait que la batterie était normale. Elle fonctionnait à sa capacité qu'elle pouvait, mais à cause que peut-être que, comme le gars me dit, c'est sûrement iOS qui est mal programmé. OK. Des petits bugs dans iOS. Des petits bugs dans iOS 6 qui est mal programmé. OK. Fait que je vais attendre la première... La façon de gérer le temps de parce que je sais qu'il y avait eu des problèmes avec, par exemple, les barres qui apparaissent pour avoir un signal. Je pense que chez Bell, il y avait eu un problème comme ça. Au niveau des calculs de barres. Mais c'était partout, réseau, ça. Il avait fait une petite mise à jour, là, un point 1.1. Point ouais. Dans iOS 5, je crois. Donc, ouais. iOS 6, peut-être, justement, qu'il y a un petit problème comme ça. Ça se peut. Sinon, en fait, ce qui est tout le temps suggéré, c'est de faire un conditionnement de la batterie. Un conditionnement de la batterie, là, c'est de charger l'appareil à 100 % et une fois qu'on atteint le 100 % on continue de le laisser charger pendant 2 heures. Ensuite de ça, on utilise l'appareil jusqu'à temps qu'il se vide, qu'il se ferme lui-même. Et si possible, on le laisse encore que sa batterie qui se vide, idéalement, là, encore une nuit. Le lendemain, on essaye de le recharger jusqu'à un 100 % plus 2 heures et on fait ça 3 fois. Normalement, c'est ce qu'on appelle le conditionnement de la batterie et normalement, ça devrait donner en fait à la batterie la pleine mesure de son utilisation. Elle devrait savoir c'est quoi son point de charge le plus bas et son point de charge le plus haut. Puis c'est à ce moment-là, en fait, les gens qui réussissent à le faire, moi, je suis toujours en train de le connecter dès qu'il atteint 20 % là, fait que la batterie, elle fait, moi, je peux aller entre 100 % pas trop haut, puis 20 % puis c'est tout. Les gens qui font l'étalonnage de la batterie comme ça, le conditionnement, se retrouvent avec des performances de batterie qui sont meilleures là, habituellement. Donc, on le suggère. Mais une dernière chose, on va changer de sujet tout de suite après. Ah oui, ben oui. J'ai remarqué que moi aussi, je suis en train de faire mon drain de batterie et j'ai remarqué qu'à 1 % la batterie a tough, là, c'est comme... Elle dure longtemps, hein? À 1 % de la batterie, elle dure plus longtemps que de 2 à 100 %, là, mettons. Là. Okay. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a le problème, là, mais à 1 % là, je suis capable de jouer à des jeux, écouter de la musique en iTunes Match. Je sais... C'est sûrement iOS qui est mal programmé parce que ça n'a pas de bon sens, ça se peut pas, là. Il va y avoir une mise à jour bientôt. Oui, on pensait l'avoir lundi, mais elle n'est pas arrivée. Bon. une des nouveautés du iPhone 5, c'est le controversé fil Lightning. Mm-hmm. On a appris cette semaine, un peu comme le fil Thunderbolt, que le fil Lightning a une puce à l'intérieur. Et ce qu'on remarque aussi là, avec des rapports, des news qui sont sortis aujourd'hui, c'est que Apple essaie de resserrer de plus en plus les règles pour ce qui est des appareils made for iPhone, made for iPad, parce que c'est une licence qu'ils vendent aux fabricants tierces parties et que, si tu ne joues pas selon les règles d'Apple, donc si tu n'achètes pas de licence, tu es en train de fabriquer peut-être quelque chose qui est considéré de contrefaçon par Apple. Là. Je vous dis pas par la loi, puis par la morale, puis tout ça. Là, mais, il faisait déjà avec les docks connecteurs où il y avait certaines pins qui n'étaient pas là. Donc, mm-hmm. le téléphone, lui, le reconnaissait comme un appareil qui avait pas été approuvé par Apple. Donc, à chaque fois que tu le connectais, il y a un message qui dit « Cet appareil-là n'est pas approuvé, blablabla. » Ça fonctionnait pareil. Mais, mais justement, tu avais toujours ce message-là qui apparaissait. Par contre, ce qu'il dit, c'est que je crois que tu pouvais l'alimenter, mais tu ne pouvais pas transférer du tout des données via ce câble-là. Je n'avais pas lu l'article, malheureusement, mais justement, il y avait soit la recharge qui ne fonctionnait pas ou il y avait les données que tu ne pouvais pas transférer avec. Mm-hmm. Mais Alexis, est-ce que tu as remarqué quelque chose avec le Lightning? Le taux de transfert et le taux de charge vont plus vite? Le taux de transfert, honnêtement, je n'ai pas testé. Okay. Mais le taux de charge, effectivement, quand tu le connectes à un chargeur ça prend pas beaucoup de temps, puis il va reprendre une grosse partie de sa batterie assez rapidement. En 2 heures, tu peux passer, là, tu peux monter facilement jusqu'à 80 % si tu le laisses connecter. Au niveau de transfert, j'ai pas vu de changement, mais j'ai rien transféré de cette façon-là. Là. Okay. J'écoute des podcasts qui se téléchargent en Wi-Fi, puis je télécharge des applications là, pour le bonheur de télécharger des applications. Ben, moi non plus, je l'utilise plus le transfert, mais quand j'ai refait mon téléphone à partir d'iTunes, j'ai vraiment remarqué une différence. Je suis tabarnou, j'ai déjà fini, puisqu'avec l'autre, c'est con, là, mais avec l'autre fil, c'est long, tu sais. Puis celui-là, mon Dieu, ça se télécharge beaucoup plus vite maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce fil-là, là, mais. Ça peut probablement que Cafexit va. Je sais pas s'ils l'ont déjà fait, là, ouvrir le câble puis vérifier le taux de transfert, s'il est plus rapide ou pas. Là, moi, je sais pas si il va y avoir des tests. Il va y avoir des tests qui vont sortir, c'est sûr. À propos de ce câble-là, il y a déjà des câbles qu'on peut télécharger sur différents sites web qui vont faire soit un câble carrément Lightning, parce que dans les premiers jours, Apple ne l'avait pas reçu. Fait que fallait pas perdre son câble Lightning, surtout à la vitesse où il se vide. En fait, Lightning, je pense que c'est ça. Hein. C'est la vitesse à laquelle le téléphone se vide. Oui. À la vitesse de l'éclair. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Ah, puis je voulais dire aussi, excusez, quand j'étais au Apple Store samedi, il y avait juste les câbles Lightning. Il n'y avait pas encore les adaptateurs qui étaient rentrés. Non, je pense qu'il avait dit que ce serait octobre. C'est octobre, oui, c'est ça. Okay. Puis en ligne, ce qu'on a vu, ce sont des câbles du petit connecteur Lightning à câble dock, mais femelle. Et moi, je trouve ça intéressant comme concept parce que les gens qui disent qu'on ne pourra plus utiliser nos docks, on ne pourra plus utiliser comme les appareils qu'on a, ben un simple câble comme ça peut faire que vous allez pouvoir utiliser votre appareil. En fait, une patente qui a un dock dessus, c'est juste pour montrer, c'est juste pour faire, c'est pour shower la patente, pour la montrer, pour que tu l'accotes dessus puis que ton iPhone soit tenu par l'appareil. Donc, un câble qui se connecterait d'un côté à Lightning, de l'autre côté à dock connector femelle, bien, tu le plugues dans ton patentage. C'est sûr que le téléphone est à côté, mais toutes tes fonctionnalités fonctionnent. Tout ça est correct. Là. Donc, c'est sûr que c'est un peu fatigant, mais il y a quand même une rétrocompatibilité possible. Là, je pense qu'il ne faut pas trop s'énerver avec ça. Considérant, puis j'avais écrit un article sur Mac Québec à propos de ça, considérant que Samsung a changé 18 fois ses connecteurs dans les derniers 10 ans sur ses téléphones, tu t'achetais un nouveau téléphone Samsung, puis c'était même pas le même connecteur que l'ancien. Donc, je veux dire, Apple, c'est pas vrai qu'ils l'ont pas changé. Ils sont passés une première fois dans les premières années de FireWire à USB. Donc, pour rendre l'appareil compatible avec les PC. Et un petit peu plus tard, quand les iPhones sont sortis, ils ont raccourci le dock. Puis c'est là qu'ils ont introduit le Made for iPhone, Made for iPad, Made for iPod. Puis qu'ils ont été un petit peu plus agressifs, là, comme tu disais, au niveau des pins à l'intérieur qui faisaient que l'appareil pouvait se charger, mais pas se synchroniser. Puis qu'il y a eu un paquet de problèmes avec ça. Là. Voilà. Sinon, en fait, Vincent voulait faire un bref survol des 200 nouveautés du iOS 6. Un bref. On va prendre le tiers, mettons. Là. Donc, as-tu une chanson à la McDonald's ou est-ce que tu nous shoots 200 nouveautés? Hey, ça serait hot à faire, ça. Ça serait écœurant. Je sais pas si le monde sera. Vincent doit pas la connaître, la toune. Big Mac, mais c'est... Ouais, c'est exactement celle-là. Non, ça me dit rien. Non? Moi, je me rappelle de midi matin. Non. Mac matin. Demain matin, Mac matin. Ouais, c'est ça, exactement. Là. Avec un dude qui danse. Un peu trop content. Et attends, on t'enverra le lien sur YouTube. Moi, j'ai chanté cette chanson-là avec un gros respire au milieu au spectacle de primaire de 6e année. Ça m'amène, là, 6e année primaire, ça m'amène 11 ans. Ça m'amène en 1988. On sait que Vincent est né dans les années 90. Puis, il n'était pas là. Non, tu vas pas... Non, c'est correct. Non, je te dis. OK, c'est bon. voilà. En fait, c'est ça. Pour les nouveautés, je vais passer rapidement dessus. On a parlé de l'application plan, donc nouvelle application. Certaines versions, donc par exemple iPhone 5, iPhone 4S, iPad de 3e et de 2e génération, peuvent avoir les cartes qui sont en 3D, donc le flyover qu'on appelle, qui permet de voir, par exemple, une ville en 3 dimensions. Donc, vous, par exemple, vous prenez Montréal ou on va dire New York, pour voir peut-être un peu plus l'effet 3D. Puis vous allez voir les bâtiments sortir de la carte. Donc, c'est très intéressant. Je pense que c'est une des grosses nouveautés de plan parce qu'évidemment, Apple ne pouvait pas vraiment faire ça dans Google. Ensuite, bon, le turn-by-turn, donc un GPS là, justement dans la carte. Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Siri qui rajoute des actualités sportives. Donc, vous pourriez demander c'est quoi le match là, en ce moment contre les Canadiens. Ben là, les Canadiens contre genre Boston. Ben, j'y ai demandé, moi. Ah ouais? T'as-tu dit on est en lockout, sac-nous patience? Non, il m'a donné le résultat du dernier match de la dernière saison. Toronto, genre, il y a à peu près 3 mois de ça. C'est ça. Ouais. Ça va-tu été facile ou ça? C'est facile, oui. Ouais. Donne-moi les résultats du Canadien. Elle t'a le sorti tout de suite. Après ça, ben, Siri, il y a eu cinéma avec Rotten Tomatoes. Ensuite, bon, il y a eu Facebook qui s'est intégré. Il y a aussi les. Un peu comme on voit dans le Mac Mountain Lion, l'autorisation pour utiliser vos données. Donc, par exemple, l'application de besoin de contact, donc vous le demande. Dans iOS 5, c'était déjà là. Maintenant, Facebook, là, on reçoit plus de messages là, sur iOS 6. Puis, dans le Mac à la maison, là, si y a Mountain Lion, vous allez avoir justement des messages. Skype a besoin. Est-ce que vous voulez partager vos contacts avec l'application Skype, par exemple, pour que vous puissiez voir vos contacts dans Skype? L'application Passbook qui permet. C'est une espèce de remplacement au NFC, là, de façon très, très générale, qui permet d'utiliser une espèce de code QR que vous passez devant un scanner pour ça. Donc, peut-être billets de cinéma, des cartes cadeaux chez Starbucks, des billets d'avion. Donc, moi, j'aimerais faire un shout-out à Post Canada, chez qui je suis allé aujourd'hui pour envoyer un petit colis, puis qui ont une carte entrepreneur. Ce serait cool que le monde de Post Canada mette la carte entrepreneur dans Passbook. Ouais. J'aimerais bien. Moi, je l'ai pris, la carte, puis ouais, c'est assez... Oui, exactement. Puis ça, les colis arrivent plus rapidement, puis l'inscription est gratuite sur le site. Fait que tout le monde est entrepreneur. Tout le monde. Voilà. On a toute une compagnie. Puis, ouais. Fait que ce serait intéressant que le monde de Post Canada, qui ont une application, soit dit en passant, mette la carte entrepreneur dans Passbook. Mais je sais que Amex, American Express, va ajouter... l'espèce de carte Air Miles ajoutée à ça. Là. Je ne sais pas si c'est Amex qui fait Air Miles ou vice-versa, là, mais Air Miles... Amex, c'est Aéroplan. Ouais, OK, Aéroplan. Ben, il va y avoir justement de l'accumulation de points qui va être faite Aéroplan ou Air Miles, bon, peu importe. Donc, suivez ça, ça va être dans les prochaines semaines, prochains mois. Là. Ensuite, bon, FaceTime 3G. Quoi d'autre? Des VIP dans vos courriels, donc avoir une espèce de section un peu contact favori. Les drapeaux qu'ils ont mis dans iOS 6, dans OS 6 10.8, dans Mail, les drapeaux sont vraiment intéressants et se synchronisent là, d'un compte à l'autre. Donc ça, c'est vraiment pratique. Là. Moi, j'ai commencé à utiliser ça pour taguer rapidement des emails dont je voulais faire un suivi, puis ça fonctionne vraiment bien. Là. Il faut parler aussi du centre de notification maintenant, qu'on peut tweeter et Facebooker sur le centre de notification en glissant votre doigt vers le haut ou vers le bas. C'est vrai, il est très pratique. Est-ce que, parlant de l'intégration de Facebook, est-ce que 10.8.2 est sorti officiellement? Oui. OK. L'intégration Facebook là, dans 10.8, avez-vous essayé ça? Avez-vous utilisé ça? Oui, ça fait peur. Tu marques le nom d'une personne qui est dans ton Facebook, dans ton carnet d'adresses, et ça va siphonner de Facebook toutes les informations que cette personne-là y a mis. Donc, si son adresse est là, son adresse va être dans ton carnet d'adresse, son numéro de téléphone est là, ouais, son numéro de téléphone va être dans ton carnet d'adresse, puis son nom Facebook, sa date de naissance, si elle l'a mis, ça fait peur parce comme que exactement, parce que les cartes, les V-cards se remplissent ultra rapidement. Tu as toujours une photo qui est associée avec. Donc, tu reçois des notifications de fête, là, genre il y a 5 personnes que tu connais qui ça fête aujourd'hui, là, puis c'est comme ça tous les jours. Moi, j'ai enlevé le Facebook là, parce que ça me fatiguait là, vraiment là, dans mes contacts. Je vais continuer parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Vas-y. Mail, au niveau du. On peut maintenant descendre. Avant, il fallait cliquer sur le bouton pour rafraîchir. Maintenant, on peut juste tirer dessus, comme il y avait beaucoup d'applications qui l'offraient maintenant. Je sais qu'il y avait, comment ça s'appelait, Pull to Refresh, qui était un code source ouvert qui vous permettait d'inclure dans votre application, justement, de tirer pour rafraîchir. Le Rubber Band Refresh. Parce que c'est l'effet, c'est l'effet que ça fait. Quand tu étires, tu as l'impression, en fait, c'est une espèce de goutte que tu étires puis qui finit par revenir sur elle-même. Fait que c'est un peu un effet rubber band, un effet élastique, si tu veux. Il y avait aussi iCloud qui était dans vos tables de Safari. Donc, par exemple, vous pourriez vous pourriez être sur votre téléphone, voir un site web, puis là, décider de prendre l'iPad pour le voir en plus grand. Puis vous prenez votre iPad, vous cliquez sur la même icône dans votre icône table là, dans votre barre d'adresse. Puis vous allez voir avec le petit nuage, vous cliquez sur ça, vous allez voir tous les sites web qui apparaissent sur votre iPhone. Vous choisissez le site avec lequel vous voulez aller, puis vous continuez sur votre iPad. Même chose pour votre Mac quand vous êtes sur Mountain Lion. Parlant de iCloud et de la synchronisation, une des fonctionnalités en fait sous-utilisées du iPhone, c'est la fonctionnalité de raccourci. Et cette semaine, j'ai écrit, je crois, un petit article sur Mac Québec à propos de ça pour donner quelques idées. Ou je l'ai-tu écrit? Je pense que je ne l'ai pas encore écrit. C'est lui qui est en brouillon. Ouais. Effectivement. Donc, en fait, c'est un article que je devrais lancer cette semaine et qui est, en fait, quelques suggestions d'utilisation pour cette fonctionnalité-là. Donc, par exemple, au lieu de... Souvent, on a à rentrer, là, parce que notre nom d'utilisateur, c'est souvent notre adresse e-mail. Donc, c'est des petites recettes que j'ai trouvées sur Lifehacker. Donc, tu t'en vas dans la section raccourci et pour... tu mets un raccourci qui est EML pour e-mail et tu mets ton email, puis à partir de ce moment-là, à chaque fois que tu as besoin de rentrer ton adresse de courriel, ben tu tapes juste EML espace et il se rentre automatiquement. Même chose pour l'adresse, le numéro de téléphone. Moi, j'ai rentré LADMB, donc à chaque fois que je marque LADMB, ça marque les amateurs de Mac Bonsoir. Quand je marque PodMQ, ça marque le podcast Mac Québec. Tout des trucs comme ça qui sont vraiment intéressantes à utiliser. Et ce que je voulais dire par rapport à iCloud, c'est que si on active la fonctionnalité de synchronisation des données et documents, ben ces raccourcis-là sont synchronisés entre tous vos appareils iOS. Donc, les raccourcis sont utilisables autant sur l'iPad, sur l'iPhone que sur l'iPod. Ouais, bien. Il y avait aussi Find My Phone puis Find My Friends. Ça existait déjà, mais il y a une mise à jour. Donc, par exemple, dans Find My Phone, il y a le mode Lost, le mode perdu. Finalement, donc si vous perdez votre téléphone, vous pouvez l'activer. Puis oui, vous allez voir votre téléphone il est où, mais vous allez maintenant pouvoir le en pas bon français, tracker, là, donc le suivre. Puis il va s'inscrire sur la carte, là, l'espèce de trajet qu'il fait. Donc ça peut être pratique justement si vous perdez la trace, donc vous notez pas il est rendu où, puis la personne l'éteint. Mais s'il est rendu chez eux, tu peux quand même suivre la trace jusqu'à chez eux. J'ai une anecdote par rapport à ça et ça va être quelque chose qu'on va être obligé de tester parce que c'est trop gros. J'ai quelqu'un cette semaine qui a communiqué avec moi en DM et qui m'a dit, qui commence par me poser la question, il dit « Écoute, si je vends mon ordinateur et que je formate le disque dur et que je réinstalle un nouveau système dessus puis que je le vends, il dit « Techniquement, mon ordinateur, il est plus lié à iCloud, il est plus lié à Find My Mac. » Pas vrai. Puis là, j'ai fait, il me semble, et il me dit, parce que je viens d'aller dans Find My, iCloud, dans Find My Phone, Find My Mac, et mon ordinateur est encore là, puis il l'a détecté. Mm-hmm. Puis je voulais tester la fonctionnalité d'effacement du disque dur. Mm-hmm. Fait que j'ai clié, il est effacé à distance. Fait qu'il a cliqué sur son iMac qu'il avait vendu, puis puis il a cliqué sur « effacer à distance mm-hmm. ». Là, il me dit, écoute, je ne sais pas, j'ai-tu effacé l'ordinateur du gars à qui je l'ai vendu à distance? Et que oui. Puis là, j'ai fait, écoute, je pense que non, tu sais, mais je ne suis pas... Attends, une minute. Okay. Il dit « je ne suis pas certain », tu sais, j'étais pas sûr. Et puis là, un peu plus tard, il me réécrit puis il dit « Le gars à qui je l'ai vendu m'a écrit, son ordinateur vient d'être wipé à distance. » Oui, oui, exactement. Oui, parce que moi, quand... Ça me fait capoter. Puis ouais. Tu wipes l'ordinateur et il est encore wipable à distance. Ouais. Fait que ça veut dire que les données sont stockées ailleurs que sur le disque dur, probablement soit dans la partition de recovery en quelque part, soit dans une puce quelconque dans l'ordinateur. Mais ça veut dire que Find My Phone fonctionne pour retrouver son ordinateur, même après un formatage. Ben écoute, bon, je vais donner la solution. Vas-y. Oui, ben, parce que moi, j'ai déjà fait, là, j'ai déjà wipé, puis mon ordinateur a disparu de iCloud, puis quand je l'ai reparti, il a réapparu. Fait que, je sais pas, bon, en tout cas. Quand j'ai changé mon MacBook blanc que j'avais avant pour le MacBook Pro, j'avais reformaté le MacBook blanc pour la personne à qui je l'ai vendu. Mm-hmm. Et quand je me suis connecté sur Find My Phone, j'ai trouvé mon MacBook blanc qui était là aussi. OK. Je vais faire un test avant que la personne l'aille. Fait que j'ai fait Wipe My Hard Drive. OK. Fait que ça a formaté. Mais l'affaire, ça a formaté devant moi. Là. C'est vraiment, là, tu le vois, là, je l'ai vu. Là. OK. L'affaire qu'il faut faire, c'est que quand tu vas dans Find My iPhone, tu cliques sur ton ordinateur que tu n'as plus, mais tu fais retirer de Find My iPhone. OK. Fait que là, l'ordinateur que tu l'as vendu ou que tu l'as donné ou whatever n'apparaît plus dans sa base de données et est maintenant avec l'autre personne. OK. Est-ce que c'est possible, puis c'est ça le test qu'il faudrait faire, est-ce que ça veut dire qu'avant de formater, il faudrait « sign out » de iCloud et à ce moment-là, l'ordinateur va disparaître de la liste? Non. Ça ne fonctionne pas non plus. Non, ça fonctionne avec le UDID de l'ordinateur. Oui, mais si tu sign out, ça veut dire que tu te déconnectes de ce service-là? Non, parce qu'il est encore ton UDID est encore connecté avec ton compte de iTunes, d'Apple. Oui, mais la façon rapide, puis je viens de penser à quelque chose, là, j'avais vu quelque chose de similaire, puis la personne avait simplement connecté le Mac à son iCloud, puis je pense qu'elle avait réglé le problème. Ça me dit quelque chose, ça. Mais je pense que juste quand tu prends ton Mac, tu as ton nouveau, puis tu te connectes à iCloud, tu mets ton UDID, puis tu le mets dans ton compte, puis je pense que ça règle le problème. Faudrait effectivement l'essayer. Mais tu n'as pas de compte, c'est pas vrai, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Comme tu veux dire que le gars qui a acheté l'ordinateur se crée un nouveau compte iCloud, puis là, ben ça switch le UDID de l'ancien compte au nouveau compte? Bien, sinon, il n'y a pas... sinon, tu sais, si l'ordinateur passe dans 50 mains, 50 personnes différentes, il n'y a pas les 50 personnes qui vont avoir accès à l'ordinateur pour effacer, pour le tracker. Je trouve ça impossible. Va falloir faire un test, mais d'après moi, en fait, s'ils veulent un système qui est fiable pour retrouver l'ordinateur, sont obligés, je veux dire, c'est majeur, là. Ça veut dire que quand tu achètes un nouvel ordinateur, le gars qui te le vend, s'il n'est pas trop stable, s'il n'enlève pas, comme, en fait, il va falloir que tu demandes au gars de le faire devant toi, tu sais. Mm-hmm. Va falloir que tu dises, là, tu te logues à ton iCloud puis tu montes devant moi que tu effaces l'ordinateur de ta liste d'ordinateurs dans ton iCloud parce que, en tout cas, on fera le test, on va le formater, on mettra le premier compte dans deux ordis. Oui, oui, je vais essayer de faire ça avec mes machines parce que c'est quand même assez important là, comme affaire. Là. Ça veut dire que la vente de seconde main, là, tu peux te faire jouer un sale cul par le gars qui te l'a vendu, ton ordinateur. Mais ça. Ouais, si c'est vrai. Ouais. Parce que moi, j'en doute, mais en tout cas, faut l'essayer. Ouais. Ben, je vais arrêter d'en parler parce qu'on n'a comme pas le temps. Là. T'es rendu à 150, de toute façon. Il en reste juste 50, puis c'est des moins importantes. Ouais. Ouais. celle que tu as nommée au début, par exemple, c'est l'application Plan. Et en fait, Apple a fait quand même un move quand ils ont vu qu'il y a beaucoup de voix qui s'élevaient contre l'application, des photos qui n'étaient pas claires, des chemins qui nous amenaient un peu n'importe où des fois. Ça peut être dû à un paquet de choses. On ne s'éternisera pas sur le sujet, mais Apple, on voit qu'il y a un petit changement au niveau de la philosophie de l'entreprise. Tim Cook s'est excusé. Pour l'application au plan. Ça serait jamais arrivé. Je pensais que c'était une blague. J'étais sûr que c'était pas vrai. Tu sais, ça aurait jamais passé sur Steve Jobs, ça-là. Steve Jobs s'est jamais à proprement dit excusé de quelque chose, mais il a quand même fait certaines fois amende honorable sur certains produits, entre autres Mobile Me. où j'avais calé la shot puis je disais check ben. Steve Jobs va s'excuser. Le monde qu'il y avait dans la salle, je me souviens, on était au Mac Urbain, il disait « t'es un malade, il s'excuse pas, Steve Jobs ». Il est rentré sur scène puis il a fait « ben, disons que Mobile Me, c'était pas notre meilleur truc ». J'ai dit « voyez, il vient de s'excuser à la façon de Steve Jobs ». Ou est-ce qu'il va jamais dire qu'il a tort? C'est ça. Donc, ils se sont excusés cette semaine à propos de ça, oui. Une aparté, ce que j'ai dit tantôt, Siri que je parlais, Siri maintenant en version canadienne, il faut le rappeler aussi. Mm-hmm. Donc c'est ça, la voix canadienne. Mais Siri est encore en bêta. Oui. Ouais, ben, toujours en bêta. Oui, voilà. Oui, parce qu'elle ne fonctionne pas tout le temps. Je fais plusieurs tests avec, puis des fois, des mots que je dis que ça ne sort pas comme il faut, là, c'est comme tout croche. Moi, j'ai l'impression qu'elle fonctionne mieux en mode diction qu'en mode Siri. C'est vrai, t'as raison. Oui, t'essaies de dire quelque chose, puis ça écrit mieux. Et ce que je pense, c'est que Siri, en fait, c'est écrit, en fait, c'est répertorié, mais plus tu l'utilises, plus Siri va comprendre ta voix. Donc, s'il ne comprend pas la première fois, c'est important de répéter et répéter et répéter pour qu'il apprenne et que Apple ait un flot de données intéressant pour l'améliorer aussi. C'est sûr. Là. Ça, c'est Apple, il y a un traitement. Puis, comme ils disent, ils sont en bêta. Puis, les renseignements, parce que le traitement se fait sur des serveurs à distance, il y a de l'analyse qui se fait, puis il y a du travail qui se fait. Là. C'est comme des jokes qu'on voyait l'année passée sur Siri. Où tu parlais d'un téléphone, c'est quoi le meilleur téléphone, puis ça dit, ben voyons, t'es dessus. Puis ça s'avait changé après. C'est sûr que ça change à distance, puis ça l'apprend, là, finalement. Mm-hmm. Ouais. Si Apple nous écoute, j'aimerais ça que dans la prochaine version, qui règle, parce que moi, mon téléphone est en anglais, ouais. Mais mon Siri est en canadien-français. OK. Et quand je lui demande un. Je vais juste interrompre deux secondes. Guillaume, qui est Campagna, qui est resté avec nous de Transit App, doit nous quitter. On étire un peu le show. On le remercie beaucoup d'être passé à l'émission. Et il est le bienvenu, évidemment, pour les prochaines améliorations qu'il va avoir sur transit.app ou d'autres applications. Comme on le sait, en fait, Mac Québec fait la promotion des initiatives québécoises en matière de développement de logiciels, matériels et autres à propos de la plateforme Apple. Donc, on est bien content de l'avoir eu à l'émission. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Parfait. Merci à toi. Bonne nuit. Bye. Pour finir, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, c'est ça. Mon téléphone, parce que moi, il est en anglais et oui. Siri est en version québécoise, là, mm-hmm. canadienne-française. Mais quand je lui demande de me donner une direction de plan, Siri tombe en anglais. Ah oui? Oui, Siri me parle en anglais. Tu sais, me dit la direction en anglais. Ah, fait que wow. J'aimerais ça que si Apple nous écoute, qu'il corrige ce petit problème-là, parce que ça me dérange pas, là, mais je veux dire, c'est poche, parce que tu sais, je commence à m'habituer avec la voix de Siri en français, que là, je tombe sur le mode plan et qu'elle me parle en anglais. Tu sais, fait que je sais pas. Ouais, mais ton téléphone est en anglais. Fait oui, mais sauf que dans mes settings, je dis mets-toi en canadien-français. Fait que normalement, ouais. Elle devrait te parler en canadien-français. Là. Mais ça, c'est au niveau des directions? Oui. OK, mais l'application plan, par exemple... Elle est en anglais. Oui, c'est ouais. Pour ça. Mais sauf que Siri ne vient pas dans plan. Siri non, est... Il doit avoir un traitement de lecture. Il doit lire les informations de plan qui sont en anglais. Puis ensuite, ben, il dit en anglais parce qu'il ne va pas comme... Ça va pas être comme une espèce de Québécois qui va parler en background en essayant de parler anglais. Là. Ça va être la version anglais ou français pour du français seulement. Là. Ça va, c'est probablement juste ça. Là. Parce que Félix, sur macOS, là, quand tu lui demandes, parce que vous autres, votre système est en français, hein. On va faire des tests avec Félix, juste pour voir s'il va m'ouvrir une application en anglais. Ça, c'est parce que attention, pas te faire tuer, mon gars. Sauvage, Félix. C'est ouais, hein, pas il... le même processus, là, GF. Mais si tu essaies de mettre ton application en français puis tu essaies de demander direction, pas mal sûr que ça va te donner en français. C'est si ça, mais faut que je change mon langage de téléphone. Là. En tout cas, faudrait. Ouais, c'est ça. Une autre nouvelle? Oui. Les nouvelles pubs d'Apple. On a vu ça passer. J'avais consulté le site, puis avant de voir, je pense, probablement que j'ai été dans les premières heures, dans les premières minutes, là, parce que j'ai vu passer aucune nouvelle là-dessus. Quand je suis allé consulter sur le site d'Apple, justement, il y avait de nouvelles publicités. Mm-hmm. Nouvelles publicités sur l'iPhone 5. Je sais pas c'est qui la voix, mais c'est assez bien réussi quand même. Je pense que c'est... Je suis pas sûr que c'est pas la... Ouais, c'est ça, c'est la même voix que d'habitude. Moi, j'ai tweeté en fait le fait que je les aimais beaucoup, ces publicités-là, parce que ça explique vraiment les choix que Apple a fait, entre autres, pour ce qui est de l'écran. Donc, ils montrent une main vide et ils disent, ben ta main, ton pouce, il va de là à là, puis il est capable d'aller jusque-là, puis jusque-là. Fait que c'est pour ça qu'on a fait l'écran du téléphone comme ça, parce que ton pouce, il peut juste aller là, puis en bas, puis que tu ne veux pas avoir tes deux mains sur ton téléphone nécessairement tout le temps pour travailler. Fait que je trouvais que, tu sais, il expliquait en fait ce que nous autres, on dit... Depuis je ne sais pas combien de temps au podcast et pourquoi Apple ne va pas faire des téléphones avec des écrans de 5 pouces monstrueux. Puis d'ailleurs, il est très beau, l'écran du Est-ce qu'on écoute la publicité? 5. Ah, tu l'as? Je pourrais diffuser la publicité. Ben oui, vas-y. Ouais, fais-la jouer. OK, on la joue, donc... There are laws to physics, right? So, explain this. How can something get bigger and smaller? There's more of it and less of it? Well, I guess the laws of physics are more like general guidelines. Oh, elle est très bonne. Ouais. C'est vrai qu'elle est très... Ouais, c'est vrai qu'elle est bonne. C'est extraordinaire. C'est cool. Je pense que ça fait pas mal le tour des nouvelles qu'on avait à ce niveau-là. On a un petit bloc développement qui suit. Oui, donc bloc développement. Donc, notre bloc développement... notre blog d'événements, en fait, j'ai décidé de faire des sections un peu plus séparées pour séparer nos informations. Cette semaine, j'ai découvert deux, trois nouvelles. La première, on parle du Mac App Store. Donc, il y a beaucoup plus le temps en moyenne pour valider une application. Donc, vous l'envoyez à Apple, il la valide, puis ensuite, elle paraît sur le Mac App Store et beaucoup plus long. Donc, on parle de pratiquement 20 jours. Ce qui peut être vrai parce que justement, les nouvelles mises à jour des iOS, des applications, donc j'imagine, se sont concentrées plus là-dessus que sur le Mac App Store. Je ne sais pas s'il y a des tests qui sont supplémentaires à faire aussi sur le Mac. Là. Ça, j'en ai jamais publié personnellement. Donc oui, ce serait effectivement plus long. Donc c'est normal si jamais vous développez une application, puis c'est long. Là. C'est parce que les mises à jour d'iOS prennent beaucoup plus de temps parce que bon, faut être compatible avec iPhone 5, donc avec l'écran plus grand, puis la résolution aussi. Là. Fait que c'est à peu près dans deux semaines qu'on va voir Tweetbot pour Mac apparaître sur le Mac App Store, ça veut dire. Parce que s'ils l'ont shippé aujourd'hui. Ouais, ben c'est ça, ça risque de prendre un certain temps. Qu'est-ce qui te dit qu'ils l'ont shippé aujourd'hui? C'est une nouvelle qui est sortie? Oui, ils l'ont tweeté aujourd'hui. Ah, OK, OK. Ouais. Ouais. Mais je sais pas s'ils vont pas être un petit peu, tu sais, si certains partenaires privilégiés Quand tu as vendu une quantité importante d'applications comme ils ont dû en vendre sur l'App Store, je ne sais pas si Apple fait comme « OK, on va te passer un peu plus vite, là, on va mettre quelqu'un là-dessus, puis tout ça. » Aussi, deuxième nouvelle, j'ai aussi ajouté, puis ça, c'est une nouvelle qui est quand même, depuis dans les derniers mois, là, au début de l'été, bien, j'en avais pas parlé, les icônes des applications, normalement, quand vous publiez une application, vous devez l'avoir au moins 512 pixels, 512 par 512, puis vous l'envoyez à Apple. Évidemment, c'est pas celle qui apparaît sur votre téléphone, là, parce que une icône à 512, l'écran doit être grand. Donc, ce serait du 4K, mais vous l'envoyez à Apple, puis maintenant, c'est rendu du 1024 par 1024. C'est pas une grosse nouvelle, on s'entend, mais pour les développeurs qui créent une icône, par exemple avec Photoshop, ben vous devez la refaire. Moi, personnellement, j'utilise du vecteur, donc moi, il n'y a pas de trouble que ce soit en 4K ou pas, là. Mais c'est une modification à faire, donc ils vous l'obligent pas quand l'application est déjà publiée, mais si vous faites une mise à jour, là vous êtes vous devez le faire, donc c'est obligé. Donc c'est une petite chose à penser avant de publier l'application là, pour pas avoir une surprise comme moi quand j'ai voulu faire une mise à jour de mon application iPhone. Là, donc c'est ça. Puis la troisième, c'est un truc pour le développement, pour ceux qui veulent mettre à jour leur application pour l'écran de 4 pouces. Dépendant de comment vous utilisez Xcode, de la manière dont vous affichez vos informations. Par exemple, si vous utilisez Storyboard, qui est une technologie qui a été implémentée l'année passée avec iOS 5, la plupart, par exemple, ce qu'on appelle le Table View, là, donc on descend un peu comme dans la section musique de votre application, donc on descend puis on monte, ou comme dans l'application Transit, on monte puis on descend pour voir les horaires d'autobus. Cette façon de faire qu'on appelle le Table View, si vous travaillez avec Storyboard, automatiquement, il va se placer à l'écran de 4 pouces au lieu du 3,5 pouces du iPhone 4S. Par contre, il ne le fera pas automatiquement tant que vous ne mettez pas une image de défaut. C'est-à-dire que quand vous ouvrez votre application, il y a une image qui apparaît pendant une seconde ou deux, puis ensuite, l'application s'ouvre. Cette application-là, par défaut, on a l'application par défaut qui est en... qui est pour la résolution de base pour l'iPhone 3G, 3GS. Le Retina qu'on appelait de défaut @2X, qui est en fait la résolution double. Puis, pour que votre application automatiquement puisse s'ajuster à l'écran de 4 pouces, vous devez mettre défaut trait d'union 568@2X.png. Puis en fait, ce que c'est la résolution de base en 568 pixels de hauteur x 2. Là. Je vais la mettre dans les notes de l'émission, là. Inquiétez-vous pas, ou si vous faites une recherche sur Google, vous allez le voir. Mais il faut mettre une image comme ça pour que le logiciel voit que vous travaillez pour l'écran de 4 pouces pour l'iPhone. Donc ça, c'était mon petit truc de la semaine. Non, je pensais que Xcode le faisait automatiquement. Tu sais, je veux travailler sur un iPhone 5. T'as pas d'option. Il faut que tu te mettes une image comme ça. C'est un peu plate parce que j'ai rushé pendant une couple d'heures en me demandant chercher l'option, puis chercher un peu partout. Puis le monde l'expliquait pas vraiment dans les forums. Puis j'ai tombé sur ça donc, en l'essayant. Donc, ça, je vous conseille. C'est ça. Excellent. On a des suggestions pour des applications iOS pour cette semaine. Jean-François, je pense que c'est toi qui as mis celle-là? Non, c'est moi. OK, excellent. C'est moi. En fait, c'est ça. Donc, j'ai fait un autre bloc. Application de la semaine. Puis en fait, ce que je voudrais amener dans le show, puis je vous l'apprends à vous là aussi, c'est des applications qu'on ferait découvrir un peu comme, je pense, tout de suite aux Nerds qui, chaque semaine, proposent des applications qui sont gratuites ou payantes, mais qui sont pratiques. Puis, c'est une application, je vais en proposer juste une parce qu'on est assez occupé, là, on est assez chargé dans le show, qui s'appelle Jasmine. Puis en fait, Jasmine, c'est un client YouTube tout à fait simple. Par contre, ben, il est gratuit en plus, mais je le trouve extrêmement pratique au niveau visuel, au niveau de l'animation, au niveau de la fluidité de l'application. Elle est universelle, donc iPhone et iPad, les deux grandeurs, là, c'est parfaitement bien fait. Donc, je vous la conseille. vu que l'application YouTube a disparu, c'est sûr que vous pouvez télécharger l'application YouTube, qui est aussi très bien faite par Google. Mm-hmm. Qui ressemble à Facebook. Qui ressemble à Facebook, effectivement, au niveau de la navigation. Donc, je vous conseille celle-là à essayer. Si vous aimez mieux celle-là, là, je vous la conseille. Pour ma part, en fait, l'application que j'aurais à vous suggérer cette semaine, c'est une application qui existe quand même depuis un certain temps, mais on sait qu'Apple a sorti son application Podcast et qu'elle n'est... comme c'est une application Apple, il y a des fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes, des petites idées qui sont vraiment chouettes, mais l'application avec laquelle moi, personnellement, je suis tombé en amour cette semaine et j'y ai rajouté, en fait, tous les podcasts qui étaient au podcast All-Star. C'était intéressant parce qu'il y en a qui m'ont vraiment fait rire. Les gars de Fun Jouer Jeu sont assez radicapotés, comme ils disent. Ouais. C'est vraiment drôle. Ils m'avaient fait rire au podcast All-Star, mais solide. Là, à un moment donné, j'étais parti, j'étais plus capable. Je ne sais pas si ça entend sur la bande ou si on le voit sur la vidéo, mais je ne me pouvais plus. Et l'application que j'ai à vous suggérer cette semaine, c'est Downcast, qui est une application de gestion des podcasts. On peut rajouter des podcasts facilement, les chercher, blablabla, créer des playlists de podcasts. Ça télécharge bien, on peut avoir les informations, tout ça. Mais une des fonctionnalités, moi, que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée, c'est la possibilité d'avancer. En fait, il y a des boutons qui te permettent d'avancer de comme 2 minutes ou de 30 secondes ou de revenir de 15 secondes si tu veux écouter quelque chose. Fait que, tu sais, c'est des boutons qui sont dans ton interface qui te permettent d'avancer, reculer. Fait que, mettons, je vais dire ça de même, là, t'écoutes Les Mystérieux Étonnants, puis là, au début, il y a comme toutes les publicités. Mais là, tu peux comme... Tu cliques sur 2 minutes, puis tu passes toutes les soirées reggae et les autres là, au début du podcast. Voilà, moi, c'est ma petite application coup de cœur de la semaine, si on veut. Ah, OK, cool. C'est cool. Voilà. On a eu cette semaine aussi, encore une fois, une mise à jour pour iPhoto. Oui. Je l'ai mis dans ça parce que je trouve que maintenant, c'est rendu mais tellement ridicule. Là. Une mise à jour qui fait 1,15 gig. Là. Puis si je ne me trompe pas, il y a eu une deuxième mise à jour. Oui, la 9.4. Là, oui. Elle est sortie même pas il y a 2 semaines, je pense. Okay. Fait qu'il a fallu retélécharger 1,10 gig, disons, mettons. Là. Mm-hmm. Puis là, il faut retélécharger 1,15 gig. C'est parce que je comprends pas. Là, c'est pas supposé d'être des mises à jour Delta qu'ils sont supposés de faire. C'est comme... La mise à jour Delta, elle est disponible si tu as l'application via le App Store. Oui, c'est si, ça. Si toi, moi, je ne l'ai pas acheté via le App Store. Je l'ai installé de ça a suivi dans le temps. Là. C'est ça, exactement. Fait que à ce moment-là, en fait, c'est une mise à jour complète combo, en fait. Qui ben, doit être. Sûrement pas, parce que moi, je l'ai téléchargé du App Store, puis ça m'a fait 1,14 gig. Ah oui, quand même. Ça dépend des modifications qui sont faites dans l'application. Comme dans les premiers points, ça parle d'amélioration de la fiabilité de la synchronisation avec les appareils iOS via iTunes. Donc, ça, c'est peut-être. Une modification qui a été faite vraiment dans à peu près tous les dossiers ou dans quelque chose de très creux, puis pour pas briser rien, pour pas oublier un fichier qui a été transféré ou pas, puis finalement l'application ne fonctionne plus. Ils ont décidé de faire une mise à jour de presque tout pour s'assurer que tout fonctionne bien. Parce que justement, quand il y a beaucoup de modifications qui sont faites dans plusieurs fichiers, je pense qu'il est préférable de pousser l'application au complet que de la pousser à moitié puis qu'elle pète. Je pense que tu serais encore moins content. Oui, parce que je perdrais mes photos. Ça ne me tenterait pas. Ouais, la bibliothèque, c'est sûr que. En fait, probablement qu'elle la bibliothèque pas, est à part, là, non, la bibliothèque s'effacerait pas, là, mais quand même. Tu sais. Ouais, non, ça aurait été plate. La mise à jour dont tu parles, qu'il y a eu il y a 2 semaines, en fait, ajoutait la prise en charge des flux de photos partagés sous OS X Mountain Lion. On en parlera dans un autre podcast. Oui, ben en gros, c'est une fonctionnalité qui est intéressante, mais ce qu'on avait dit, en fait, là-dessus pendant le podcast en ligne, c'est qu'il n'y avait pas la possibilité de donner la permission à plusieurs personnes de participer à ces albums-là. Et ce que la mise à jour apportait aussi, c'est la possibilité d'ajouter des commentaires à des photos après les publications, leur publication sur Facebook via l'application iPhoto. Ajout de nouveaux termes de cartes et de calendrier, ce qui est toujours intéressant si on joue avec ça. Possibilité d'utiliser la nouvelle commande du menu fichier pour ouvrir la bibliothèque active d'Aperture si Aperture est installé, ce qui est quand même intéressant. Donc, ouais. On peut avoir deux bibliothèques, une professionnelle, une plus personnelle, et quand même l'ouvrir avec iPhoto. Et amélioration des performances et de stabilité. Là, ça, c'est pour juste meilleure compatibilité avec Mountain Lion. Voilà. Donc, ça fait pas mal le tour. Ouais. C'est une bonne idée, en fait, de faire le tour des mises à jour, puis de peut-être apporter les points les plus intéressants. Là. J'aime bien ça. Puis peut-être que les gens qui ont des bugs avec ces applications-là vont voir leurs bugs réglés, vont l'apprendre par nous. Tu sais ce que je me suis dit? Séparer des sections comme ça, au niveau du développement, je vais essayer de parler plus de nouvelles de développement, puis de les mettre dans cette section-là. Comme ça, on peut vraiment séparer les nouvelles, nouvelles et un petit peu de rumeurs, là, parce qu'on fait attention pour pas trop donner. En faire trop, oui. C'est ça. Section développement, des applications, nos suggestions, comme tu l'as fait avec dans le casque, qui est vraiment une très bonne idée. Puis la section mise à jour, qui va être facultative. C'est sûr qu'à chaque semaine, il n'y a pas toujours des mises à jour. Même chose, on va parler de temps en temps des bundles. Donc, on va essayer de parler, de faire une petite section si jamais il y en a des intéressants. Là. Donc, c'est ça. C'est sûr qu'on ma carte de crédit. La carte de crédit est prête pour Mackey's, mais je ne sais pas c'est quand. Oui, c'est ça. Il y a Mackey's qui est en cours en ce moment, mais ils font des nano-missions et tout ça, où est-ce qu'on peut aller chercher des petites applications. Il y a eu le premier chapitre de Back to the Future par Telltale qui était disponible, puis quelques autres applications assez intéressantes, Calendar Plus, entre autres. Mais à la fin, il va y avoir évidemment le gros bundle avec une couple de logiciels intéressants dedans. Celui-là, là, c'est un immanquable. Habituellement, Mackey's fait toujours des bundles vraiment intéressants. On le suggère. C'est 50$. Oui, voilà. Sinon, il y en a peut-être un ou deux cette semaine. Là. Je sais que j'en ai acheté un, moi, cette semaine. J'en ai vu deux, là, le Mac Bundle Hunt. Puis, il n'était pas vraiment intéressant. Là. Pour 50$, il donnait des applications qui en valaient 340, mais c'est toutes des applications inconnues là, qui ont des fonctionnalités limitées. Puis, il y en a un autre là, dans lequel il y avait quelques applications quand même assez intéressante. Mais vous allez voir sur le site de Macquébec parce que je sais qu'il y a des articles sur ça. Voilà, effectivement. Puis malheureusement, c'est ça. Quand il y a un bandeau qui vient d'apparaître la journée, on va en parler parce que sinon, j'ai voulu parler de bandeau, sauf que quand ça se termine dans 3-4 heures, là, on est mercredi. Là, et ça mercredi sert à jeudi, rien. Ça sert pas à grand-chose parce que vous ne pourrez pas, à part ceux qui nous écoutent dans l'application. Mais si jamais, justement, on voit un bandeau super intéressant comme... Tu parles avec Mac East, tu disais? Oui. OK, donc... Là, ils sont rendus au Nano 4, là. Ah, déjà? Oui, j'ai reçu le email tantôt. Ah, oui? Oui. Moi, j'ai même pas fini Nano Mission 1, là. Moi non plus, je l'ai pas fini. Je les ai les trois, là. Je vais aller télécharger le 4, là. Mais j'ai pas fini le premier encore. Fait que... Oui, c'est ça. C'est, en fait, pour débloquer les applications, c'est assez spécial. Il faut télécharger un jeu. Mm. C'est un espèce de jeu d'énigmes qui rappelle un peu Myst ou les jeux de ce genre-là où est-ce que, tu dois trouver une clé, faire des puzzles, des trucs comme ça. Et à la fin, en fait, de ta nano mission, tu obtiens un ou deux logiciels là, qu'ils offrent. Donc, c'est quand même assez intéressant. Je pense que ça fait pas mal le tour des informations de cette semaine. Il y a des bonnes chances, en fait, et ça dépend de la date fatidique du 10 octobre. Donc, normalement, en fait, notre prochain podcast est cédulé pour être le 17 octobre, si je me trompe pas. Oui, exactement. Ouais. OK. Maintenant, le 10 octobre, on va apprendre si y a des rumeurs qui disent que Apple va envoyer l'invitation pour l'événement média qui annoncerait le iPad mini, duquel on a commencé à voir certains leaks cette semaine, des prototypes qui ont leaké, des trucs comme ça. Apple qui a comme beaucoup plus de difficultés à être secret C'est l'enfer cette année. Ben, c'est difficile, mais j'ai comme l'impression que les Chinois qui fabriquent ont commencé à se trouver un sideline puis qu'ils voient que les petits Nord-Américains capotent à chaque fois qu'ils envoient des photos floues sur Internet. Fait qu'ils le font puis tout, puis ils en profitent pour faire de la pub avec ça. Donc, si effectivement le 10, donc la semaine prochaine, il y a une annonce, il y a fort à parier en fait qu'on se mette en branle pour organiser en fait un autre événement spécial. Ça va faire beaucoup, mais bon, on veut être là à tous les événements. Fait que le 17, voilà, on est comme le phare qui éclaire... Le Québec en entier. Qui éclaire le Québec en entier au niveau de la pomme. C'est bien dit. Ouais. Donc, on va faire une émission spéciale le 17 qui va remplacer, si on veut, l'épisode 4 du podcast Mac Québec. Puis, quand c'est fait, habituellement, on fait toujours une espèce de session de questions-réponses à la fin qui remplace le LAM. Donc, le 10, on saura et on va l'annoncer aussi sur toutes nos plateformes de diffusion si on fait le podcast normalement mercredi soir à partir de 21h ou si on fait un événement spécial, probablement, écoute, toujours à partir de midi, 1h. Là. Puis on va contacter... On croise les doigts. Oui, bien, moi, j'aimerais ça. Moi, Non, mais pour d'autres choses qu'on va croiser les doigts. Ah, OK. Pourquoi? Rien, laisse faire. OK. Ouais. C'est bon. Donc. Sinon, on voulait annoncer aussi deux petites dernières nouvelles qui nous touchent un peu plus. D'abord, le vendredi 5 octobre, donc cette semaine, à 20h sur RDI, dans le cadre des grands reportages, RDI va nous présenter en fait un documentaire sur Steve Jobs, le hippie milliardaire. Toi, tu l'as déjà vu, JF? C'est un reportage qui est déjà passé? Oui, ça a passé l'automne passé en anglais à Fox. Si ma mémoire est bonne, okay. Je me souviens plus. C'est très bon. C'est à écouter. Excellent. C'est vraiment bon. Fait que je veux. Ça a probablement été sorti dans le temps où le livre est sorti aussi. Quasiment, oui. Oh. Ça a sorti un petit peu après le livre. Fait que, mais c'est très bon. Là, vous allez voir. Je vais le réécouter, c'est sûr. Là, puisque je l'avais sur mon ancien PBR, mais je ne l'ai plus sur celui-là. Okay. Mais je vais le réécouter, c'est sûr. Là. C'est à voir. Excellent. Et dans un deuxième temps, en fait, l'équipe de Mac-Québec a été approchée par une jeune journaliste. Ils nous ont posé des questions sur ce qu'était Mac-Québec. Et tout ça, en fait, moi, j'ai fait un 33 minutes d'entrevue avec cette charmante demoiselle. C'est bon. Dont, le nom m'échappe, mais je vais essayer de... Aude. C'est son nom de famille qui... Échappe, attends, je vais le retrouver quelque part. Aude Garanchon. Ah. Voilà. Okay. Garanchon. Oui, Garanchon, oui. Et donc, j'ai fait 33 minutes d'entrevue. Kim aussi a participé à ça. Et c'est chouette parce que ça va être diffusé au Canal Savoir. On m'a dit, on n'était pas sûr, mais ça devrait être autour du 28 octobre. Donc, voilà, on va vous tenir plus au courant, évidemment, sur le site quand on aura les détails. Ouais, sinon, vous messieurs... le site web canalsavoir.tv, là, ou sinon pour voir peut-être l'horaire plus... donc, c'est ça. Excellent. Sinon, messieurs, c'est ce qui conclut notre émission. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets? Monsieur? Moi, on peut me retrouver sur Twitter @JFRoy1979. Venez me poser vos questions. Je suis assez présent sur les médias sociaux, même quand je travaille dans le jour. Effectivement, et même quand tu dors la nuit, tu es là, je pense que tu... Non, pas la nuit quand même. Là, il est sur le... Non, il est fermé, mon téléphone. Ah, okay. Merci pour... La nouvelle fonctionnalité. La nouvelle fonctionnalité, parce que mon chum capoterait. Là. Hey, ça sonne tout le temps ici. Tu sais, c'est comme... Ça vibre, ça... Ça sonne, là. Fait que, c'est pour non. Ça que tu perds ta batterie, là. Surtout quand Dean nous met dans ses conversations. Ah, mon Dieu, oui, exactement. Bon, puis c'est ça. Fait que je suis assez présent. Fait que venez me poser vos questions. Fait plaisir d'y répondre. Excellent. Monsieur Miller. On peut me retrouver à DEVVMiller, pareil sur Twitter. Donc, vous pouvez me poser aussi vos questions. Puis, j'ai mon site web vmiller.ca. Si vous avez un projet d'application iPhone, iPad, iOS à faire, donc... Je vous invite à consulter mon site web puis à me poser des questions. Il n'y a pas de trouble. Tu fais pas de Mac, hein? Je fais pas de Mac. Je fais pas de Mac, malheureusement. Ça viendra. Ouais, pas de suite, mais j'en ai jamais fait. Fait que En même temps, c'est le même langage, là, fait que c'est sûr. Ouais, que c'est ça, ça doit pas être bien compliqué, là, ouais, c'est ça. Mais c'est pas du tout les mêmes API, fait que c'est quand même assez c'est très différent quand même. Il y a quelque chose à réapprendre là-dedans. Oui, complètement. Il y a aussi site web, donc site web puis infographie que je fais également. Les infographics, les espèces de design qu'on a vu et sur Mac Québec. Puis je pense qu'il y en a un qui a été mis récemment. Félicitations d'ailleurs sur le site de Sympatico. Ouais. Ben, y a le lien sur mon site web. Vous pourrez aller le voir sans problème. On voit ma belle infographie. Mon Dieu, je sais pas aujourd'hui ce que j'ai. Tu perds tes mots. Je perds mes mots. Bon, ben on va finir ça. Pour ma part, vous pouvez me trouver sur Twitter au Alex Cornelier. Puis mon nom au complet, parce que ça ne rentrait pas sur Twitter, c'est Alex Cornelier. Donc, sur les différentes plateformes, sur app.net, sur Google+, vous pouvez me trouver. Sur Facebook, c'est uniquement, puis je pense que c'est la politique de tout le monde au podcast, d'ajouter seulement les gens qu'on a rencontré en vrai. Et si jamais vous avez besoin d'un consultant, formateur, technicien pour les produits Apple ou encore votre réseau sans fil à domicile, eh bien, contactez-moi via ma page alexiscornelier.com et puis je me déplace, on regarde ça ensemble et puis habituellement, je suis assez bon pour trouver le problème et l'éradiquer, l'annihiler et rendre votre vie remplie de bonheur. Oui, c'est ça. L'homme à tout faire, exactement. Faut juste dire que maintenant, on ne nous retrouve plus sur Ping, parce que Ping est mort. Ping est mort. Ping est mort.